Bonjour à tous, j'interviens juste rapidement avant le début de ce podcast hors série sur le bilan de l'année 2015 de l'équipe Movies Nerd pour vous prévenir que ce podcast sera divisé en deux parties. Vous êtes donc à l'écoute de la première partie qui concerne nos top 10 respectifs, mais la deuxième partie sera disponible dans quelques jours sur moviesnerd.net et cette deuxième partie contiendra nos flop 10, nos surprises, nos déceptions de cette année, de l'année 2015 plutôt, et aussi nos attentes pour l'année 2016 puisqu'on y est en plein dedans là, donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute de cette première partie, j'espère qu'elle va vous plaire, nous on a eu beaucoup de plaisir à la faire et on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie avec nos flops, nos surprises, nos déceptions et nos attentes 2016. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce bilan de l'année 2015 de l'équipe Movies Nerd. On en a déjà fait un l'année dernière, à peu près la même période. Donc on revient avec notre équipe au complet. Donc on va d'abord commencer par... dire que je suis Axel, votre co-hôte comme d'habitude, mais il y a aussi Quentin avec moi, puisque ça fait longtemps qu'on ne lui a plus parlé, donc du coup je vais présenter en premier. Salut, ça va ? Salut, oui ça va. Ensuite on a Morgan. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va ? Très bien, super. Ouais. Malgré des petits contretemps personnels, voilà. Oui. C'est un soir très compliqué pour moi. On rentrera pas dans les détails. Et enfin, Eddie, salut. Le meilleur pour la fin. Oui, ça va bien. C'est la blague de Morgan, ça va. Oui, mais... Ah, parce que quand je dis ça, tu prends ça pour une blague. Le meilleur pour la fin, c'est ça drôle. D'accord, je vois le genre. Donc voilà, c'est un peu une émission déstructurée. On a déjà fait un bilan l'année dernière, mais c'était une émission un peu pilote. On savait pas trop comment faire, etc. Là, on a un petit peu plus d'expérience, mais pas trop non plus. On va essayer de faire le plus court possible parce que on avait fait trois épisodes séparés pour l'année dernière et je peux vous dire que le montage était un sacré calvaire. On va faire plus court, ça c'est sûr. Ensuite on a adopté un système qui s'appelle le système Morgan, breveté, copyright, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc j'aimerais que Morgan puisse nous présenter son système pour les tops, les flops, etc. Comme ça, vous ne serez pas perdu pendant l'émission. Alors, si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Hein. Alors, vous n'avez pas compris non plus parce que le système que j'avais proposé était basé par rapport au top. Les flops, on peut les faire comme l'année dernière, on les avait fait. Voilà. Alors, pour ce qui est des tops, nous allons nous présenter chacun. Donc, on a chacun fait un top 10. Quentin, arrête de te moquer de moi. C'est Quentin me lance des vannes là sur Skype. C'était pour répondre. Laisse-moi parler. Le but étant que chacun présente les. Combien ça fait combien 10 moins 6. Attendez, je suis pas fort en maths. Alors, en fait, chacun va présenter du numéro 10 au numéro 4 les films de son top en disant une petite phrase. Hein, voilà. Et le but étant que arrivé aux trois derniers, on fasse un tour de table. On va dire voilà, Eddie présente son 3, Quentin son 3, moi mon 3, voilà, etc. Jusqu'au premier, voilà, pour que ce soit qu'on laisse un peu plus de suspense quand même, voilà. Et qu'on s'attarde pas trop sur les derniers films du top qui sont intéressants, surtout les miens. Mais voilà, si vous avez pas compris, laissez-vous tenter, ne vous en allez pas, ne coupez pas, ou ça va bien se passer. Ne vous en allez pas, pardon. T'aurais quand même pu me dire, Axel, que c'est moi qui devais présenter, j'étais pas... D'habitude, c'est toi qui présente tout, et je repose sur tes lauriers, et et là, tu me laisses faire le boulot à ta place. Je suis désolé, mais j'y avais pas pensé avant de te prévenir. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on enregistre avec toi, on parle d'argent, c'est un peu bizarre. on va faire d'abord un rapide tour de table pour parler de l'année 2015 dans l'ensemble et par rapport à l'année 2014, ce que vous avez pensé. Par exemple, en commençant par Eddie. ce que t'as pensé de l'année 2015 en matière de cinéma? En fait, c'est bizarre. Moi, je m'attendais à une super année et ça a été une année sympathique, mais voilà, c'est tout. Parce que, je m'en suis rendu compte en faisant mon top et mon flop j'avais pas eu de coup de cœur énorme non plus, en fait. J'avais pas eu de. Bah, par exemple, j'ai pas eu de 10 sur 10 dans mes notes cette année. Ouais. Contrairement à l'année dernière où il y en avait eu au moins un. Donc, ça reste une bonne année quand même. Ouais. Mais voilà. Je pensais qu'elle aurait été un petit peu mieux quand même. Elle aurait pu être un petit peu mieux. Maintenant, on verra ce que va donner 2016. 2016, c'est pas une année dans laquelle je crois trop. Ah, pourtant, ça promet quand même. À part quelques films, mais le reste, voilà. Donc, après, c'est pareil, mon top film français cette année, j'en ai quasiment pas vu. Il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient, même à Cannes. Et on n'avait pas beaucoup de réussite, surtout. Voilà, donc du coup, il va y avoir beaucoup de films étrangers dans mon top. Ouais, je pense dans tous les tops. Hein. Ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait un top 100% français, de toute façon. Non. Quentin, pour continuer un peu comme il dit, en fait, enfin. 2015, c'est vrai que depuis longtemps, on la vendait comme la grosse année, voilà, autour de Terminator, Jurassic Park, tout ça. Bah, c'était vendu comme l'année des blockbusters, surtout. Ouais, voilà, c'était vraiment le truc qui allait tout exploser, quoi. Et finalement, il y a beaucoup de pétards mouillés. Mais ça restait, ouais, quand même une bonne année, quoi. On a eu un super Star Wars, on a eu des belles surprises, enfin, Kingsman, c'était vraiment génial. Mais voilà, quand même des déceptions, mais d'accord. C'était quand même une bonne année. Ok, Morgan. Bah, un peu pareil, c'est vrai que 2015, j'avais placé beaucoup d'espoir. Non pas que les films m'ont déçu, parce que Jurassic World j'ai pas détesté, Terminator Genesis non plus d'ailleurs, mais ce sont des films que j'ai pas détesté, que j'ai plutôt apprécié. Jurassic World t'avais bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Mais Terminator j'ai pas détesté, voilà, mais Jurassic World j'ai bien aimé. Maintenant c'est vrai que rarement cette année je suis sorti de films en disant ah j'ai vu un chef-d'œuvre. En 2014 il y avait beaucoup plus de films qui m'ont bousculé. On a eu des très bons films, des bonnes surprises, on en parlera. On a eu des films après dans certains genres, par exemple je trouve le genre horrifique, c'était une excellente année pour le genre. Je pense qu'il y a des certains films dont on va parler. C'est la meilleure année depuis un moment. Il y en a eu deux. Très bonne année pour le cinéma d'action aussi, hein. Voilà, puis le retour. Ça c'est vrai. L'année des espions aussi. Le cinéma d'espionnage, c'est jamais autant bien. En plus, dans des films totalement différents, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. On a eu Spectre, Spy, Kingsman, Mission Impossible. Et le pont des espions aussi. Le pont des espions, forcément. Donc on a eu vraiment. Voilà, on a eu quand même eu un Spielberg. On a eu des bonnes choses. Après. J'ai un peu du mal à me dire c'était mieux en 2014, parce qu'en 2014 je trouvais que 2013 c'était mieux, maintenant je trouve. Enfin, C'était mieux avant. C'est à chaque fois, voilà. C'est à chaque fois ça. Voilà, mais bon, après on a eu du bon, on a eu du très bon. J'ai adoré attendre Star Wars par exemple, j'ai trouvé ça génial, même si à la fin il y avait un peu l'overdose. Moi j'en avais ras-le-bol à la fin. C'est vrai, non mais même là un petit peu j'en ai ras-le-bol parce que bon. Les BB-8, ça commence à me. Faudrait qu'on fasse un truc sur les. Enfin, faudrait qu'on fasse un topo sur les trucs dont on en a eu marre cette année. Moi, j'en ai eu marre de Mad Max, par exemple. Ah ouais, non, moi aussi, Mad Max, c'était. Enfin, j'aime le film, j'adore le film. Mais... Et je pense que je vais en avoir très très marre de The Hate Foot Race. Ça va, je crois qu'il n'y a pas tellement de. Moi, je pense que c'est plutôt The Revenant. The Revenant, celui-là me. Voilà, il me saoule un peu, déjà. Parce que. Oscar, DiCaprio, Birdman. J'ai hâte de le voir. Et donc Axel, toi, ton année 2014. Oui, merci. 2015. Apparemment, tout le monde s'en fout à part Eddie, merci. Hein. Surtout qu'Eddie m'a coupé alors que j'avais pas fini mon truc, mais vas-y, c'est pas grave. Ouais, enfin, tu parlais. Oui, attention, vous avez coupé mon rien. Moi, c'est à peu près le même bilan que vous, vous trois, pardon. C'était une. Moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé certains films cette année, mais. Bon, c'est sûr que j'ai pas mis 10 sur 10 comme toi. Après, c'est peut-être parce que j'ai repensé ma politique des 10 sur 10 en 2015. C'est que je pense pas mettre de 10 sur 10 avant d'avoir vu au moins le film deux fois pour être sûr à 100%. Et du coup, j'ai eu beaucoup de 9, beaucoup de 9,5. Mais si t'as eu beaucoup de 9, t'as dû faire pas mal d'omelettes. Sinon, je sais pas trop comment rebondir là-dessus, mais c'était compliqué. une année plutôt bonne, j'ai trouvé, avec quand même un été qui était très pauvre. Ah ouais. Enfin, ah oui, surtout sur la fin. Surtout, enfin, non, à part sur la fin, je voulais dire, on a eu de très bons films sur la fin, mais sinon, juillet, août, c'était un peu mort. Voilà. Ouais, et je trouvais ça un peu dommage. Mais sinon, à part ça, moi, il y a des films que j'ai adorés. Enfin, moi, personnellement, il n'y a pas eu de films auxquels j'ai mis 10 sur 10 ou 9 sur 10. Mais par contre, j'ai eu des bonnes sensations au cinéma. Ça, c'est vrai. Ouais, pareil. Oui, voilà. Certains films, j'ai vraiment senti des trucs. Par contre. Non, puis il y a quand même certains films qui ont quand même proposé des choses, qui ont quand même un peu dynamisé certains genres. Voilà, le cinéma d'action, je trouve que c'est très bien porté. Après, c'est vrai que, ouais, en matière d'été, on a eu, et même la rentrée, parce que les rentrées cinéma, en général, c'est pas fameux. Mais alors là, en matière de oh là là, le mois de septembre et le mois de juillet, c'était horrible. Ouais. Wow. Le mois de septembre, il y avait Mémoire de jeunesse qui m'a vraiment, qui m'a vraiment marqué. Donc, pour moi, septembre, c'était un bon mois. Il y a juste un film qui peut te faire changer ton avis sur tout, et là, c'était. Oui, pareil, pour cet été, il y a eu deux bons films, quoi, c'est tout. Sinon, le reste, wow. En général, c'est les mois d'octobre les meilleurs mois. C'est vrai. Et c'était pas non plus une. Par rapport à l'année dernière où t'avais eu Mommy et Gone Girl, c'est sûr. Puis l'année d'avant, il y avait La Vie d'Adèle, il y avait Gravity. Ah ouais, bah de toute façon, rien ne sera meilleur que 2013, hein, excusez-moi. Et 2011, ouais. C'était vachement bien. On avait eu, même si j'aime pas trop le film, mais Drive, on avait eu Police aussi. Ah oui, Black Swan. Black Swan. Ouais, Black Swan. Et 2011, c'était début 2011. Non, vous vous trompez, c'était 2010, Black Swan. Non, c'était 2010. C'est 2010. Sérieux ? Mais bon, au pire, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de Black Swan. On est là pour parler. 1962 On est là pour parler de 2015. Oui. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout. Enfin, on a à peu près tout dit sur le bilan de l'année 2015. Et on va passer tout de suite à nos top 10 de l'année 2015. Take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried. Donc on est à la première rubrique de ce bilan de l'année 2015, en commençant par le top 10 de l'année, et on va commencer avec le plus jeune et l'ordre décroissant des prénoms, en commençant par Quentin. Voilà. Alors, le 10e film de mon top, c'est Birdman, donc l'Oscar du meilleur film cette année, enfin de 2015. Donc si j'ai mis dans mon top, c'est vraiment parce que j'ai adoré le casting. Je trouve que c'est vraiment le point fort du long métrage, c'est vraiment son casting. Je trouve qu'il y a de super dialogues, de super échanges entre les acteurs, et voilà, j'ai trouvé les personnages géniaux. J'ai trouvé Michael Keaton, il est juste dingue dans le film, franchement. C'est Emma Stone, son regard, enfin j'ai trouvé, c'est vraiment une de mes actrices de 2015, Emma Stone, pour ce rôle-là. Comme d'habitude, Emma Stone, en général ça passe beaucoup par le regard, mais alors là dans ce film-là. Et dans l'homme irrationnel. Bah dans ce film-là, elle est en plus, elle est très sous le rôle, et elle arrive quand même à être géniale, elle bouffe quand même l'écran à chaque fois qu'elle. Ouais, elle bouffe l'écran. Mais c'est aussi parce que Iñárritu, il a vraiment cette qualité, je trouve, de laisser de la place à ses seconds rôles aussi. Voilà, exactement. Puis à la mise en scène quand même. Ouais, et puis je pense au dernier plan, avec Emma Stone, rien qu'à penser, mon petit cœur qui palpite, donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé Birdman. C'est sûr qu'avec le cœur, sois honnête. Oh, Morgan. Écoutez, il est jeune, les hormones. Oh, lui. Allez. Non, on peut penser aussi à une scène entre Naomi Watts et Andrea Riseborough aussi. Donc, mon 9e film, c'est Imitation Game. J'ai été vraiment touché par ce biopic. Voilà, j'ai trouvé Benedict Cumberbatch vraiment super dans le rôle d'Alan Turing. Je trouvais que le film n'est pas tombé dans les poncifs auxquels on aurait pu penser qu'il allait se ramasser. Et franchement, j'ai trouvé ça super bien. Il y a une super reconstitution de l'ombre, tout ça. Enfin, l'ombre de l'époque est attaquée par la loupe de la feu, voilà. Mm-hmm. Donc, franchement, un très beau biopic. Mon 8e film, c'est Tomorrowland, donc je vais pas appeler par son titre français. Parce que c'est vrai que voilà, tout le monde appelle Tomorrowland, personne n'appelle à la poursuite de demain. C'est vrai, à la poursuite de demain, je crois que je l'ai entendu juste à la caisse du ciné, quoi, c'est tout. Donc voilà, bah, c'est un peu voilà, encore un appel à l'imaginaire de la part de Brad Bird, voilà, c'est vraiment très très bon. J'avais hésité avec Pan, voilà, Morgane. mais j'ai mis Tomorrowland parce que voilà, à long terme, c'est celui qui me reste le plus dans mon esprit. Enfin, je trouve le personnage de Kazé vraiment super. Et voilà, un très très bon Disney, un très bon film. C'est dommage, c'est vraiment dommage d'ailleurs qu'il ait fait un tel vide. Enfin, que le film n'ait pas été reconnu du tout parce que. Voilà, c'est une des injustices franchement de l'année au niveau de sa reconnaissance auprès du public. En septième, Seul sur Mars. Ridley Scott qui fait un feel good movie, c'était pas vraiment attendu. T'as pas vu Alien, hein, c'est cool Alien. Hein. Franchement, on rigole. Hein. C'est pas vraiment feel good. Hein. franchement, c'est excellent. Il y a des personnages féminins super forts. Matt Damon, c'est très bon. Ouais. D'ailleurs, il arrive même à convaincre Eddie. C'est un gars qui est possible. Voilà. Et en plus, c'est bizarre, c'est qu'en ce moment, Eddie, il voit des films avec Matt Damon. Il a vu Will Hunting récemment. Will Hunting, oui. C'était très bien. Ouais, en plus, il a aimé. Oui, c'était vraiment très bien. Et il était même bien dedans. Ah oui. Ça va finir par aimer. Regarde Promisland. Je me fais peur à moi-même. Je ne me regarde plus dans la classe. T'avais pas vu les bons films avec vous. Ouais, peut-être. Voilà, donc une super bande originale aussi, enfin, c'est un peu rythmé avec les musiques du personnage de puis c'est beau. La commandante. Enfin, oui, voilà, il y a des super décors, enfin, ça a rien à envier, à Gravity, tout ça, enfin, franchement, c'est vraiment, vraiment bon. La fin, je l'ai trouvé géniale. Enfin, voilà, donc un excellent film de musique. Et Jessica, c'est génial à la fin. Ah oui, mais c'est trop bien, mais j'ai trouvé ça génial que ce soit. Elle qui... Ah oui. Elle qui, voilà, qui... Bon, bref, voilà, c'est trop bien. En sixième, Star Wars, le réveil de la Force. On n'a pas entendu parler de celui-là. C'est bien de citer les petits films qui sortent. Les petits films qui sortent dans... Quelque part, j'avais... Ouais. Quelque part, j'ai l'impression que c'était un peu inévitable. Enfin, je pouvais pas ne pas le mettre dans mon top. Le film a un peu apporté ma révélation féminine de l'année, donc Daisy Ridley, qui est super. Bon, on en entend beaucoup parler, ça va devenir bon peut-être, mais voilà, elle est superbe. Un très bon film, bon, je vais pas m'attarder dessus parce que voilà. Tout le monde l'a vu, ouais. En cinquième, Lost River. Oh. Voilà. Oh. Ah oui! Ah, j'ai pas vu, mais c'est vrai que les échos sont très très partagés. Très partagé. Pour moi, c'est la meilleure bande originale de l'année. Oui. J'ai parlé de ça sur Mars, mais pour moi, c'est la meilleure, franchement. Mais non, c'est vrai. Voilà. Je peux le rejoindre là-dessus. Voilà, elle est vraiment. Le film est super poétique. Ryan Gosling a plusieurs inspirations, enfin, vraiment bien, bien senti. Bon, j'ai beaucoup aimé Lost River. En quatrième, Mad Max Fury Road. Voilà, un film, on sait pas ce que c'est non nulle part. Ok. Donc on va passer à Morgane maintenant. Oui. Alors, dixième position, La Loi du Marché de Stéphane Brisé. Un excellent film français cette année, c'était rare, mais on l'a eu. Et en plus de ça, on a eu alors, je vais pas dire une révélation, mais une magnifique prestation, parce que Vincent Lindon, quand même, est un acteur très très connu et qui a été reconnu pour la première fois d'ailleurs de sa carrière avec ce rôle-là. Et c'était mérité. Le film paye pas de mine, hein, il est assez modeste dans sa réalisation, mais il m'a vraiment touché dans ce qu'il traite et dans la manière dont Vincent Lindon le joue. Je trouve que c'est naturel. Certains lui reprochent, je trouve ça dommage, mais c'est un cinéma qui. Alors j'aime pas, ça fait un peu bobo de dire ça, mais c'est un cinéma qui parle de choses vraies, et ça fait entre guillemets du bien de voir un film comme ça, parce que bon voilà. Oui, parce que moi apparemment, il y a quelqu'un qui est venu m'attaquer sur ma critique dessus, mais apparemment je suis un bobo en fait. Bah ouais, forcément. Ah. Oui. Bon alors, le numéro 9, Pan de Joe Wright. Alors oui oui, bah il est dedans, il est dedans. Tant. Pourquoi? Parce que ça fait partie, on en parlera avec un autre film plus tard dans mon top, d'une des injustices de l'année, parce que le film n'a pas marché du tout, que ce soit en France, enfin mondialement, le film ça a été un échec total, il ne connaîtra jamais de suite malheureusement. C'est dommage parce qu'il y avait un sacré potentiel, les personnages sont bien calibrés, sont bien menés. J'ai adoré cette relecture et cette réadaptation. On repart à zéro, hein, c'est un espèce de pan reboot, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique voyage, c'était juste ce qu'il faut de magie, de féerie, avec une super bande originale. Et j'ai adoré l'acteur qui joue pan, Lazy Miller, je trouve adorable, il est attachant. Ah, il y a une bonne bouille, ouais. Huitième position. Ça, c'est l'argument, ça. Bah, il est, bah oui, bah en même temps, il ne demande pas plus, et puis t'en reprends, le pauvre. Mais non, mais il est bien, en plus, il est efficace. Et Hugh Jackman en barbe. Barbe noire. Barbe noire, ah, barbe rouge, c'est pas la même chose. Barbe noire, il est, voilà, il est très, très. Mais de toute façon, j'ai adoré le casting, Rooney Mara aussi, Gareth Edlund est drôle. Non, pour moi, c'est un film qui m'a procuré beaucoup de plaisir. J'ai adoré, et c'est dommage que le film soit un peu réduit à un truc un peu niais, un peu con. Ce qui, évidemment, pour moi, n'est pas le cas. Je te rejoins. Voilà, mais tu l'as pas mis dans ton top. Alors, Ouais, mais essaye. Attends, il reste trois films. C'est vrai. Huitième position, It Follows de David Robert Mitchell. Ah, grand film, mais très grand film. C'est un peu un film qui m'a redonné. C'est pas assez haut. Hein. Comment? Ah ouais, comme... Il l'a pas mis assez. Il a presque gueulé surtout. Bah, putain, non. C'est un film qui m'a. C'est un film qui m'a surpris, parce que j'ai été surpris à l'heure où quand même les films d'horreur sont un peu poisseux, un peu sales. J'ai eu peur devant un film qui est beau. Et c'est un film qui est magnifique. C'est un film qui est maîtrisé vraiment, qui fait appel, enfin qui fait rappeler évidemment les cinémas de Carpenter. Bon, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vrai. Même côté casting, bah révélation, Maika Monroe, elle est juste magnifique, magnifique personnage. Un film très profond et qui prend pas son spectateur pour des cons. Voilà, c'est un peu rare, hein, mais ça change des productions Blumhouse et compagnie, qui sont voilà, Inside Out 3, tout ça, Berk, hein. Mais là, on a vraiment un film qui est maîtrisé, un film avec un vrai sujet, des vrais personnages, et avec une ambiance vraiment flippante, ça fait vraiment peur. Et la BO, waouh, j'adore. Ah oui. Septième film, Unfriended, de Levan Gabriadze. Alors là aussi, je tiens le film le plus injustement détesté de l'année pour moi. Pourquoi ? Parce que je ne supporte pas, c'est que j'ai vraiment du mal avec j'ai du mal à entendre les personnes qui disent que ce film, en gros, est un Paranormal Activity sur Skype. Pour moi, ce n'est pas vrai. Déjà, pour moi, c'est même pas un film d'horreur. Qu'on se le dise, c'est un film concept. Pour moi, c'est un film de merde. Pardon, on n'a pas trollé. Non, parce que je trouve qu'Unfriended déjà est un pur exercice de mise en scène. Mais en plus, c'est même pas qu'un film qui mise tout dans l'idée et qui ne la maîtrise pas. C'est un film qui, pendant 1h20, maîtrise sa mise en scène. Il est extrêmement novateur. C'est une nouvelle façon de faire peur au cinéma. Il y a un côté un peu interactif et tout. Mais je l'ai pas pris vraiment comme un film d'horreur pur. Et franchement, j'y allais vraiment à reculons en me disant, ça va vraiment être de la merde. Et au bout de 10 minutes, j'ai compris vraiment que le film allait pas du tout me faire peur. Enfin, si, mais pas par des effets que j'attendais. Le côté jumpscare, il est très très faible. C'est un film très profond sur le monde d'aujourd'hui. Ça parle de l'humain, de notre hypocrisie, du harcèlement du web. Pour moi, c'est un film extrêmement intelligent qui, malheureusement, bah, il est un peu boudé parce qu'il est trop comparé à Paranormal Activity et tous ces films d'horreur pour teenage qui sont un peu débiles. Mais pour moi, ça, c'est pas débile. Les personnages sont débiles, mais c'est des stéréotypes, donc c'est normal. Et justement, si les personnes les trouvent débiles, c'est fait pour. Mais les acteurs sont très bons, le concept est maîtrisé. Les trois dernières secondes m'ont posé un peu problème, parce qu'au final, la partie épouvante, c'est pas ce qui m'a intéressé dans le film le plus. Enfin, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. C'est vraiment ce qu'il y a derrière, toutes ces réflexions sur l'humain et comment. En gros, aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut tout faire derrière un écran et que bah, tout est masqué du fait de l'anonymat, alors que pas du tout. C'est un film sur les secrets du passé. C'est vraiment profond et bien. Pour moi, c'est mon film de genre préféré de l'année et un des meilleurs films de genre que j'ai vu depuis toute mon existence. Voilà. Eh, il y a quelqu'un qui vient de s'inviter sur Skype. Arrête, tu m'as fait peur, toi. Putain, là, tu m'as fait peur. Non, j'ai eu peur, peur ouais. Yes. Comme quoi, ça peut faire peur, non? Non, moi, je l'ai vu rapidement. Oui. Je sais qu'Eddie a envie, là, oui, il n'en peut plus, là. Il a envie de se sauter à la gorge de Morgan. Moi, je vais lui dire... Il y a le T-Rex qui va... La démocratie, je vais lâcher mon Raptor Squad. Moi, je l'ai vu assez récemment. C'est un film que j'ai suivi... avec enfin voilà, c'était pas exceptionnel, c'était pas non plus la pire merde que j'ai jamais vue. C'était un film, je me suis bien marré devant personnellement, voilà. C'est pas le but. C'est un argument de merde, mais au moins l'histoire ne m'a pas fait chier, voilà. Bon, je te laisse parler, Eddie. Vas-y, Eddie. Crash ta bile. Ah ben non, mais j'ai pas, enfin après comme je te l'ai dit, c'est pas vraiment un film dont j'ai envie de parler, quoi, parce que j'ai trouvé ça tellement enfin, pour moi, si, c'est clairement prendre le public pour des cons, quoi. C'est du faux, en fait. C'est que du factice, et ça se vend sous le prétexte que c'est novateur parce que ça utilise Skype. Et pour moi, justement, c'est tout sauf de la mise en scène. Ça utilise pas que Skype, en fait. Ça utilise carrément le domaine informatique. Et ce que j'ai aimé dans le film, c'est comment la. C'est pas pour autant, c'est pas un... oui, Skype, le reste, si tu veux, mais c'est pas pour autant que ça sauve le film. Moi, au contraire, je trouve que c'est. C'est de la facilité. Bah, c'est ce qu'il en fait à côté. Et c'est, je vois pas en fait où est l'effort artistique là-dedans en fait. Déjà pour les acteurs. Désolé, hein. Des... faut puis même. Les acteurs. Je sais pas. Moi, ça m'a vraiment pas convaincu. Et puis. Enfin, ça m'a emmerdé quoi. J'ai trouvé ça complètement débile. Et justement, je vois vraiment pas où ça dépeint une société. Où, ah bah quand même. Parce que. Parce que des ados cons, ils sont pas que sur Skype. Quoi. Mais non, c'est même partout, pas que les ados, c'est l'humain tout simplement, vu qu'il y a un côté communautaire. Quand on voit comment les gens réagissent à la vidéo de cette fille qui s'est fait humilier, les gens n'ont pas, non, les gens ils ne disent pas l'âge, donc c'est extrêmement universel. Ça met en scène un public jeune, évidemment, parce qu'il faut que le film soit un peu ciblé malgré tout. Mais je trouve que bah, l'hypocrisie, il n'y a pas de limite d'âge, hein, c'est les humains. Enfin, même moi, enfin, qui n'a pas balancé un jour une saloperie sur un blog, un forum ou un truc comme ça, en se servant de son anonymat. En usant de la nanana, voilà, ouais. Tout le monde l'a fait, même moi, j'ai déjà trollé, même sur les sens critiques, les dislikes et tout le monde le fait. Il y a un côté, enfin, moi, je trouve que là, c'est très subtil, mais c'est un film que j'aime bien analyser un peu, voilà, c'est pas tant l'aspect genre, c'est pas tant la forme qui m'a plu, même si, voilà, en termes de mise en scène, c'est excellent, j'ai adoré ça, et je trouve ça pour le coup novateur, mais c'est le fond, quoi, je me suis pris vraiment une claque, quoi. J'ai vraiment eu un gros discours, et puis c'est pas pessimiste. Ça dit pas Internet c'est mal. Non, il y a des bons côtés, mais il pointe aussi les mauvais. Donc on n'est pas dans un film de réac non plus. Ça m'a plu. Alors que moi je trouve que si le message Internet c'est mal, c'est prégnant dans le film. Oui, plus. Mais il y a des moments où il nous montre, quand on nous montre que la communauté se retourne contre la fameuse personne qui a posté la vidéo en disant ah bon c'est toi. Enfin, il y a un côté un peu solidaire avec une personne défunte. Enfin, je trouve ça bien. Puis il y a des phrases qui prêtent à réfléchir pour moi. Enfin, c'est. J'ai adoré ce film, j'ai acheté en Blu-ray et ça passe, parce que j'avais peur de l'effet de surprise au cinéma, je l'ai vu deux fois en Blu-ray et franchement c'est nickel. Okay. Numéro 6, bon ça va tarder. Numéro 6, Le Pont des Espions de Steven Spielberg, celui qu'on ne présente plus, le Tout-Puissant. Oui. Voilà, grande leçon de cinéma, d'humanisme, de mise en scène, Tom Hanks est juste incroyable, et aussi grande leçon d'histoire aussi, forcément. Voilà, Spielberg qui nous raconte la grande histoire par une toute petite histoire que je ne connaissais pas. Voilà, c'est du dialogue, voilà, merci les frères Cohen, hein, parce que le film est juste, il est juste agréable à suivre, il est émouvant, les plans iconiques sur Tom Hanks, une beauté. D'ailleurs, c'est dommage que Tom Hanks ne soit pas nominé au Golden Globes de dimanche, enfin du 10 janvier, et parce que je pense, personnellement, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais l'Oscar du meilleur acteur, pour moi, il doit être pour lui. J'ai pas vu The Revenant après, je sais, DiCaprio doit l'avoir, même ceux qui n'ont pas vu le film, sauf que ce soit DiCaprio. Effectivement, mais Tom Hanks, pour moi, mériterait vraiment des récompenses, parce que mais il m'a bluffé, il habite tellement l'écran, ce personnage, et puis la collaboration avec Spielberg me fascine. Donc, très bon film. Numéro 5, encore un film d'espionnage, Mission Impossible Rogue Nation, de Christopher McQuarrie. Mission Impossible, depuis le numéro 3, et surtout depuis le numéro 4, saga qui ne cesse d'augmenter dans le plaisir et dans la maîtrise formelle en matière de cinéma d'action, et voilà, pour moi c'est dans la continuité du 4, j'ai préféré le 4 un petit peu quand même, mais le 5 est juste, surtout qu'il est sorti cet été c'était quand même bien moisi, et quand ça a un peu sauvé l'été, ça a vraiment sauvé l'été. Et puis Tom Cruise, et c'est un dingue, mais c'est pour ça que je l'aime, quoi. Mission réussie pour Christopher McQuarrie. J'attends de voir le 6 quand même, même si j'aurais aimé qu'on change de réalisateur. Numéro 4, Tomorrowland de Brad Bird. Ouais, ça veut dire, vous voyez, que Mission Impossible, Brad Bird, après, il y a un lien. Comme Quentin l'a dit, c'est deuxième injustice de l'année pour moi, parce que les Américains, je sais pas ce qu'ils ont. On leur sert un film avec un condensé d'imaginaire, de créativité, d'émotion. On leur sert tout sur un plateau, mais ils en veulent pas. C'est pas que les Américains. Oui, oui, personne n'y est allé. Ouais. Mais les gens n'en ont pas voulu, alors que c'est vraiment le menu best-of parfait, ce film. Les thématiques sont belles, visuellement c'est magnifique, les acteurs sont splendides, et Rafik Hassidi, c'est ma petite chouchoute de l'année, je l'ai adoré. C'est une petite bouille d'amour, cette actrice, très expressive, le côté un peu fille avec ses petites couettes, et puis c'est une vraie guerrière, enfin c'est vraiment girl power cette année, c'est une année riche en personnages de femmes très très fortes, et elle est juste géniale, et le film est magnifique. Mais regardez-le en Blu-ray, achetez-le en Blu-ray, parce que c'est un film qu'il faut voir. C'est vraiment voilà. Merci Brad Bird. Voilà. Oui, t'es arrivé au quatrième, pardon. Ah oui, j'allais dire le 3. Donc on va passer ensuite à Eddie. Oui. Donc moi, numéro 10, Mission Impossible, Rogue Nation. Oui. Parce que voilà, j'ai trouvé le film excellent. C'est un peu un numéro 10 par dépit, hein, je suis désolé. Mais c'est vrai que j'ai vraiment trouvé le film excellent quand même. Tom Cruise, il est complètement dingue de toute façon. Enfin, quand on voit les cascades qu'il peut faire et tout, et voilà, moi ça m'a plu. J'ai passé un bon moment. C'était du coup un très bon film d'action. On parlait des films d'action de 2015. Là, on est clairement dans le haut du panier. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très bon. Le numéro 9, donc là je vais faire plaisir à Morgan, c'est Spy. Oui, ou quoi ? Il y en a un qui rit sadiquement là, pourquoi ? Oui, c'est Axel, je pense. Oui. Franchement, je vois pas la. Non, moi non. Je suis seul à pas avoir aimé ici. Donc, en fait, de toute façon... Spy, c'est un film auquel je croyais pas énormément. J'avais envie de le voir, mais du coup, en fait, quand Morgan nous en a parlé, finalement, ça m'a refroidi, en fait. Ça aurait dû être censé faire l'effet inverse, et je me suis dit, je trouve ça bizarre qu'il s'emballe pour un truc comme ça, et ça m'a surpris. Donc du coup, ça a attisé ma curiosité quand même, mais ça m'a un peu refroidi, et finalement, j'ai bien fait de le voir, parce que j'ai eu du mal à me mettre dedans au début, ça je l'avoue. La première demi-heure a été assez laborieuse, et puis finalement, après, je sais pas, il se passe un truc, et j'étais vraiment dedans. J'ai vraiment bien ri, je me suis bien marré. Les scènes de, il y a des répliques qui fusent, il y a des moments cocasses qui fonctionnent très bien. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Il y a un bon casting, Melissa McCarthy, elle est excellente. Elle est géniale. Ouais. Donc voilà, Spy en numéro 9. Numéro 8. Et donc là, ça va vous surprendre peut-être. Seul sur Mars de Ridley Scott. Ouais. Ouais. Non. Non, ça ne surprend pas. Ça ne surprend pas non plus. Enfin, parce que du coup. Voilà, c'est un film que j'ai mis du temps. C'est parce qu'on a vu sur Sens Critique, c'est pour ça. Ouais, voilà. Pour ceux qui savent, qui n'étaient pas, comme tu as exprimé ton ressenti par rapport à Matt Damon dans un des derniers podcasts. Voilà. C'est un acteur avec lequel j'ai eu du mal. Puis finalement, c'est pour ça que j'ai mis du temps à voir ce film-là, parce que en fait, c'est le film dont on avait parlé avec Crimson Peak, je crois, dans le podcast. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc moi j'avais parlé que de Crimson Peak du coup, et du coup je l'ai vu plus récemment, et j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que j'ai même passé un super moment. J'ai trouvé que voilà, déjà, alors le film est sublime visuellement, c'est assez dingue. L'humour fonctionne bien, même s'il y en a qui trouvent que c'est un peu gras et ringard, moi je trouve pas. Ça, je trouve que ça marche bien. Matt Damon, à mon grand désespoir, il est bon, il est même très très bon. Ça l'empête de reconnaître ça. Ouais, et oui, parce que je l'ai trouvé tellement mauvais pendant des années, que là, ça m'a surpris de le voir aussi bien. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un film qui est pas bête en plus. Ce qui est la vraie force du film, c'est que Ridley Scott, il fait le choix de nous faire de la SF, mais qui pourrait, qui paraît tellement crédible en fait. Ce qui est la grosse force du film, c'est qu'il est tangible dans ce qu'il propose. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Je trouve que c'était un bel exercice, et puis et je m'attendais pas à ça, donc ça a été une très bonne surprise. Numéro 7, Birdman. Ouais. Donc bah là, pareil, parce que il y a le casting, comme disait Quentin, la mise en scène aussi, parce que bon, on sait bien que c'est pas un vrai plan séquence tout le long, mais les raccords sont tellement bien que du coup ça passe tout seul. Et en fait, là où le film pourrait paraître chiant, il ne l'est pas justement grâce à la mise en scène, je trouve, parce que elle est tellement foisonnante de détails que c'est très dynamique. Même si, voilà, c'est ça. Même si le propos parfois laissait un peu sur le côté, et ben nous, on peut toujours se raccrocher à ça, et je trouve que c'est bien. Et puis de toute façon, le film est excellent, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment passé un super moment devant ce film-là. C'est toute une critique du monde de l'actorat, de l'art. C'est une critique de la critique aussi, donc ça, c'est intéressant. Et puis voilà, quoi. Michael Keaton, on s'attendait plus en fait à le voir dans un registre comme ça. Et il nous prouve que il est tout le temps là, quoi. Il a tout le temps les mêmes capacités, donc ça fait plaisir. Ouais. Et puis après, le film est touchant aussi par rapport à Michael Keaton et à parce que ça fait un peu écho à sa carrière à lui, finalement. Mm-hmm. Donc c'est ce qui rend le film beau aussi. Donc numéro 7, c'était Birdman. Numéro 6, La loi du marché, oui, de Stéphane Brisé. Mm-hmm. C'est un film, alors voilà, au risque de passer pour un bobo et je vous emmerde, parce que vous ne me connaissez pas, tu peux ne dire, me jugez pas. Tu peux dire que les gens qui disent ça commencent à te les briser. Ouais, exactement. Mais bon, cette personne n'a jamais daigné revenir parler après, donc c'est très bien. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé le film très très juste en fait. Ah oui. Très juste, et ce qui est bien, c'est que. En même temps, il est pas caricatural. C'est ça en fait que je trouve fort dans le film, c'est parce que à la fois il nous parle d'un sujet. C'est pas évident d'aborder ce sujet-là en plus. Et je trouve qu'il le fait bien et il le fait de manière à pas rendre ça hyper pathos ou quoi que ce soit. Il y a une vraie froideur, je trouve, dans le film. Et finalement, elle le dessert très bien parce que elle vient vraiment. Faire face à ce qui pourrait rendre le film un peu larmoyant ou voilà. Moi c'est un sujet qui m'a touché parce que j'ai connu un petit peu de chômage dans ma vie, donc forcément ça fait écho à ça, on y pense aussi quand on a vécu ça personnellement. Et puis je trouve qu'on a finalement pas vraiment de mal à se mettre à la place de Vincent Lindon, en fait, à la place de son personnage, parce que c'est facile en fait. Alors, bon, quand on vit chez ses parents, on voit peut-être les choses différemment, mais je veux dire, quand on a son chez-soi et qu'on commence à se construire un petit peu sa vie, on n'a pas de mal à se projeter des années plus tard et à tout ce qu'on peut posséder, puis en fait se rendre compte que ça peut aussi vite partir que c'est arrivé, quoi. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a vraiment touché et je le conseille parce que c'est un bon film cannois et de toute façon, Lindon méritait vraiment sa récompense. Enfin, pour moi, il n'y avait pas à chipoter, quoi. Ça pouvait être que lui. Donc voilà. La loi du marché. Numéro 5, Vice Versa. Oui. Vice Versa, qui du coup est le meilleur Pixar de l'année, je te rassure, Morgan. Hein. Le voyage d'Arlo n'est pas au-dessus. Il n'est pas dans le top, de toute façon. Parce que Pixar, et puis parce que. Parce que c'est quand même un tour de force, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sont quand même des vrais patrons, quoi. Ils ont la capacité de nous faire un film qui visuellement, sans être révolutionnaire, est quand même vraiment très très bon. Parler de la dépression comme ça, de manière aussi fine et aussi juste, en plus auprès d'enfants, je trouve que. On en a parlé une fois avec quelqu'un, ça va certainement vous rappeler des trucs, mais pour moi au contraire c'est pas prendre les enfants pour des cons ni les mettre en danger, en fait, de leur inculquer ça, c'est leur montrer que la vie justement elle est pas toute rose, et ça vient un petit peu à contre-pied de ce que justement Disney fait à côté, donc non, pour moi Vice Versa c'est un film que les enfants devraient voir, je pense, même si finalement c'est peut-être sa faiblesse, c'est qu'il est pas forcément adapté qu'aux enfants. Je pense que les adultes sont plus réceptifs à Vice Versa qu'aux enfants, en fait. Voilà. Ouais. C'est un petit peu, je pense, ce qui empoule le film auprès du jeune public, mais ça n'empêche pas que ça reste un excellent film. très beau, très drôle, plein d'émotions, et voilà, moi je me suis, j'ai vraiment passé un bon moment, pas au cinéma, bizarrement, je me suis un peu ennuyé pendant, au milieu du film, j'ai beaucoup plus apprécié en le revoyant chez moi, comme quoi ça peut jouer, donc vice versa. Numéro 4, les nouveaux héros. Ah oui. Voilà, c'est surprenant, je sais. Devant vice-versa. Ben oui, oui, oui. J'ai longtemps hésité, et finalement, en y réfléchissant, c'est vrai que j'ai... En fait, vice-versa, j'ai apprécié, mais la deuxième fois, alors qu'il y a les nouveaux héros, j'ai passé un super moment tout de suite. Parce que mon top, c'est ça, en fait. Pour moi, enfin là, j'ai vraiment fait un top, je laisse un peu l'objectivité de côté, et je fais vraiment un top par rapport à mes expériences de l'année. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. C'est voilà. Ce que tout le monde a fait. Hein. Bah, donc, si quelqu'un pensait que c'était objectif... Voilà. Disclaimer. Ah non, ah bah non, non, non, parce que du coup, ouais. Ce serait pas intéressant, même si évidemment, ouais. On faut toujours garder une part d'objectivité quand même. Mais du coup, les nouveaux héros, parce que visuellement, déjà, je trouve que là, c'est une vraie claque aussi. Et puis l'histoire, quoi. Moi, ça m'a touché. Je trouve que Disney parvient vraiment à nous parler du deuil, en fait, avec ce film-là. C'est surprenant, c'est pas son sujet principal, mais je trouve qu'il le fait aussi bien qu'avec le Roi Lion, quoi. Il y a vraiment une. Ouais. Ah si, vraiment. Moi je trouve que ouais. J'ai bien aimé, attention. Ce que représente en fait Baymax par rapport à Hero, le héros, je trouve que c'est vraiment c'est plus que la figure du frère qu'il a perdu, quoi. C'est sa clé pour avancer. Et moi ça m'a vraiment ému. Voilà, c'est pour ça que je le mets en numéro 4, parce que pour moi c'est vraiment un très bon Disney. Et j'espère que Zootopia sera aussi bon que les nouveaux héros, voire même meilleur. Moi, ouais, j'espère qu'il sera mieux. Hein. Oh, c'était bien, les nouveaux héros. Oui, non, mais c'était bien. Voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bien. Ouais, non, mais pas tout. Faut que je lâche ton bleu, d'accord. Voilà. Donc, maintenant, numéro 3, on verra tout à l'heure. Ouais, ok. Donc, c'est à moi. Il y a beaucoup de films qui se retrouvent un peu dans nos tops. Mais il y a un film que je suis sûr que personne n'aura, donc je l'ai mis en dixième, oui, je suis quasiment sûr, c'est Citizen 4, c'est un film documentaire réalisé par Laura Poitras, qui traite de la surveillance mondiale généralisée et de l'histoire d'Edward Snowden, qui a révélé le scandale d'espionnage mondial de la NSA. Voilà, donc c'est un peu le geek d'informatique qui parle, et en même temps le fan de thriller, parce que ce film, on n'aurait pas pu faire mieux avec un script. C'est tellement bien filmé, tellement bien mis en scène. Les événements en plus se passent en temps réel, et c'est exceptionnel. Moi, j'ai passé un super bon moment. On flippe vraiment. Non, mais je le regarderai pas. Film. Je peux pas le regarder parce que je suis déjà parano de nature. Si en plus je vois ça, mais alors là, c'est bon, je sors plus de chez moi. Oui. Mais je pense que je peux. C'est je suis un peu pareil. En fait. Non, je peux pas le voir. Mais j'aimerais bien. Mais si ça peut inculquer un peu à ceux qui savent pas trop la sécurité informatique, parce que il va dans ces détails un peu, genre les mots de passe qui sont pas assez longs, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est important dans notre monde, je pense, et surtout en ce moment, parce que c'est pas qu'aux États-Unis, avec la loi sur c'est comment de nouveau qui est passé récemment en plus. Ouais. Voilà, la loi de renseignement qui est passée en France cet été. Voilà. Enfin bon, à mon avis, ce sera plus effectif, effectif que Adobe. Bah pour preuve que non. Pour preuve que non. Oui. Enfin, bon, voilà. Ouais. Enfin. Repensons à ce qui s'est passé en novembre. Voilà. Bref. Vois le film et on en reparlera. Non, mais. T'inquiète pas. Mais voilà, c'est vraiment un super film. La réalisatrice, elle est vraiment super courageuse parce qu'elle s'est, elle s'est fait souvent arrêter à la douane. Elle est fichée maintenant à la NSA. Elle peut quasiment plus aller aux États-Unis. Edward Snowden non plus, hein, il reste en Russie alors qu'il pensait se faire choper en Chine. Et mais c'est pas du spoil parce que c'est la réalité, hein, donc c'est un documentaire. Il est en Russie, il pensait se faire capturer par les États-Unis et se faire condamner à mort. Mais finalement, c'est ça en fait qu'on voit pendant le film, c'est que il accepte qu'il a plus que quelques jours à vivre, et c'est vraiment touchant en plus le film, parce que c'est un mec qui a abandonné toute sa famille pour pouvoir révéler à des gens, enfin révéler à tout le monde que quelque chose d'anti-constitutionnel et Il a sorti le mot du podcast, attention, il l'a fait, c'est lui. Hein. Désolé, je suis très passionné à propos de ce film, j'aurais peut-être dû le mettre encore plus haut, mais c'est vraiment un film qui m'a passionné et que je vous recommande vraiment vivement. Voilà, on va passer ensuite au 9e qui est It Follows. C'est mon film d'horreur de l'année. J'ai vraiment adoré. C'est un des seuls films d'horreur que j'ai vu de ma vie qui m'a vraiment fait flipper. Ouais, il flippe. Et faut y aller pour me faire flipper. Oh. Mais en plus, bon, après j'ai vu un film. Après avoir vu ce film, j'ai vu un film tellement chiant que j'ai essayé de trouver des gens qui marchaient lentement dans le film. Oh. C'était quoi? C'était un certain film avec Jennifer Aniston, mais on en parlera plus tard. Ah oui. Le film est tellement bien qu'il s'est incrusté dans l'autre film que j'ai vu juste après. C'est une leçon de mise en scène le réalisateur, j'espère vraiment qu'il va faire un film très prochainement et l'actrice aussi principale qui est une révélation comme t'as dit Morgan. Mmh. L'ambiance est exceptionnelle, la musique est aussi tout aussi exceptionnelle. Et voilà, je pense que j'ai à peu près. Mais ce qui est vachement bien dans le film, c'est que ça va au-delà du simple exercice de style. Oui, quoi. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment. Ça parle de tellement de choses que ce serait difficile de le résumer en quelques lignes. Mais c'est pas forcément. J'ai ressenti. Je sais pas si c'est de la peur ou de la gêne ou du malaise. Plus du malaise que de la peur, en fait. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Là où j'ai trouvé le film superbe, en fait, et que ça fonctionnait bien, c'est que c'est un vrai film sur la perte de l'innocence, quoi, sur le passage à l'âge adulte et tout ce que ça implique, la peur de la mort et tout, ils en parlent beaucoup. Ouais. Exactement. C'est vachement intelligent. Et puis c'est très subtil la manière dont c'est amené. Enfin, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment que c'était un film sur ça. C'est quand ils sont dans le cinéma au début et puis qu'ils disent tu aimerais être qui? Et le gars dit j'aimerais bien être le petit garçon. Ah bon, pourquoi? Rien que parce que il a toute la vie devant lui, il peut faire ce qu'il veut. Et à ce moment-là, amener ça dans un contexte horrifique, c'était pas gagné. Et puis le monde est un peu bizarre parce qu'on a une il y a une technologie un peu qui fait très qu'on n'a pas encore. C'est la lecture là sur le petit lecture de livre je sais même pas comment c'est, une petite glace mini Kindle quoi. Et en même temps ils regardent des vieux films sur des vieux écrans et tout. C'est vraiment très très bizarre comme monde. Ça fait très New Age en fait. Et justement si on va dans la métaphore, c'est un peu ça en fait. Il y a le passé qui doit aller vers le futur aussi. C'est un film très très subtil. On pourrait l'analyser pendant des heures. C'est vraiment exceptionnel. On passe ensuite à mon 8e, Seul sur Mars. Je suis un fan, je le dis encore, je suis désolé, je suis un fan de Ridley Scott, même Prometheus, je sais Morgan. J'ai beaucoup aimé Prometheus quand je l'ai vu Seul sur Mars, vraiment. J'avais pas vu le dernier film de Ridley Scott parce que je suis moins fan quand il fait des Exodus. Exodus. Cartel aussi, c'était horrible. Ouais, voilà. Je suis moins fan. J'adore quand il fait de la science-fiction en fait. Il renoue encore avec son style qui lui va le mieux en plus parce que Blade Runner. Qu'est-ce que je raconte ? Blade Runner aussi. Oui, je sais, tu l'as vu. Seul sur Mars, c'est exceptionnel. Matt Damon aussi. L'histoire, l'ambiance, les décors qui font vraiment très réaliste. D'après les photos qu'on a du Mars Rover, ça ressemble vraiment à ça, quoi. Et c'est fou le travail qu'ils ont dû. Ça donne pas envie d'aller sur Mars, par contre. Oui. Je peux déjà pas aller. J'ai déjà pas les thunes pour aller à Fontainebleau, alors sur Mars. Donc c'est un film qui m'a époustouflé quand je suis allé le voir au cinéma. Et du coup, je regrette de pas l'avoir vu en salle. On te l'avait dit. Hein. Ah ouais, on te l'avait dit. Hein, mais, il m'a époustouflé, il m'a fait marrer aussi, et il m'a même ému parfois parce qu'il est. Il a versé vraiment... sa petite larme. La honte. Seul sur Mars, c'est vraiment un super film. On passe ensuite au 7e, Mission Impossible Rogue Nation. Je sais, il est un peu bas par rapport aux critères de Morgan. Je l'ai vraiment adoré aussi. C'est un film, j'ai passé un excellent moment devant. Les scènes me tournent encore dans la tête, alors que je ne l'ai pas revu depuis août. Et y a des scènes d'action qui sont exceptionnellement filmées. Tom Cruise aussi qui est. Tom Cruise aussi qui est fou, comme on l'a dit, qui s'accroche à une aile d'avion. On se demande ce qu'il va faire pour le prochain. Il va dans l'espace. c'est ce que j'avais dit. Sans combinaison. il s'attache à une fusée. ouais, voilà, c'est vraiment un super film. Ça continue parfaitement la saga de Mission Impossible. Et je pense qu'on a une des meilleures scènes de l'année dans ce film, qui est la scène de l'opéra. Pour moi, qui est un chef-d'œuvre total de mise en scène, de musique, d'ambiance, de suspense, tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, en sixième, on a Birdman. Birdman, c'est un de mes petits coups de cœur de début de l'année. C'était vraiment un film. Quand je suis sorti, enfin, j'avais le souffle coupé pendant plusieurs minutes durant cette séance de cinéma. C'est un film qui m'a époustouflé au niveau technique, au niveau de l'histoire aussi. C'est vraiment un film qui est... Ouais, c'est dur de passer après tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde a déjà dit pas mal de choses. Mais en plus, on a déjà parlé dans le podcast de février. Donc voilà. Oui, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, Le Pont des Espions en cinquième. Spielberg, obligatoire. Hein, c'est vraiment un des derniers coups de cœur de cette année. Un film qui est passé un peu inaperçu, comme on l'avait dit en décembre. Et pourtant, c'est un peu dommage, parce que c'est Spielberg qui revient à son... peut-être pas quand même à son meilleur, mais très très fort. En tout cas, c'est le film est exceptionnel. De toute façon, je vous invite à écouter le dernier podcast, parce qu'on en a parlé en détail avec Morgane. Vous en parlez tellement bien. On en parle tellement bien. C'est surtout. Je l'ai pas écouté. Et en plus, Axel, je te trouve bien prétentieux de dire on a dit que le film a été étouffé. C'est moi qui l'ai dit, d'accord. Donc, il faut dire que c'est. Quel salaud, lui, ce soir. D'accord, monsieur. Je vais pas vous contredire. Non, je rigole. Axel, tu sais, oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, mes paroles. Voilà. voilà, donc Le Pont des Espions, c'est exceptionnel, c'est Spielberg. Et le quatrième, un film que personne n'aura aussi, c'est Réalité. Ah, mais je voulais Quentin le mettre. Dupieux. Ouais. Je sais que tu voulais le mettre. Moi, c'est un film qui m'a impressionné, qui m'a scotché. J'étais scotché à l'écran. Ouais. Quand je suis sorti de la salle, je savais pas ce que je venais de voir, mais je savais que c'était exceptionnel. C'est un ovni. De toute façon, les Quentin sont faits pour scotcher, hein, c'est bien connu. Hein. Ouais. Et franchement, le film est marrant, mais en même temps bizarre, en même temps. L'argument, il est bizarre, il est. Non, mais. C'est génial, c'est bizarre. Non, ah, mais il y a un peu c'est de tout. C'est un film chelou, totalement. C'est exceptionnel, franchement. Bah, j'ai l'impression que tous ces films sont comme ça. Hein. Kubrick, mes couilles. Faut avoir vu le film pour comprendre. C'est pas bizarre, Kubrick. Non, faut avoir vu le film. Non, mais c'est une réplique du film. Kubrick, mes couilles. Ah, d'accord, voilà. Pardon. Voilà. Ça parle en plus de la réalisation de films, etc. Et c'est un film imbriqué dans un film, Il y a un côté méta qui est génial. On s'y perd un peu, mais finalement, quand on ressort de la salle, on est vraiment content d'avoir assisté. On a mal à la tête, mais on est content. Mais c'est vraiment, franchement, moi je vous le conseille énormément, ce film, parce que c'est exceptionnel. Et même si vous n'avez pas aimé les derniers Quentin Dupieux, parce qu'ils sont vraiment très très chelous contre eux. Je les ai vus déjà. C'était mon premier, moi, et franchement, ça passe. Ouais. Et par rapport à Rubber, Wrong et Wrong Cops, c'est quand même il y a vraiment une histoire qui se suit de bout en bout. C'est quand même quelque chose qui est un peu plus un peu moins bizarre que les autres, et un peu moins expérimental. Et c'est vraiment un très très bon film. Voilà, j'ai à peu près tout dit. On va passer maintenant à nos top 3. Oh putain. Donc, là, ça va chier. On va faire un tour de table pour chaque numéro, en commençant par Quentin, pour ton numéro 3, vas-y. Alors, mon numéro 3, c'est Mémoire de jeunesse, donc j'avais commencé à en parler un peu tout à l'heure. Pourquoi j'ai aimé, déjà pour Alicia Vikander, qui est une actrice je peux même pas définir l'amour que je ressens pour cette actrice. Déjà, j'ai trouvé génial. Il fantasme sur toutes les actrices, j'ai envie de dire. Mais Alicia, c'est vrai qu'il m'en parle beaucoup. Il m'en a beaucoup parlé dernièrement. Est-ce qu'il a vu Ex Machina aussi ? Oui, en plus. Ah bah, il tient plus. Mais... Ah oui, il mais tient plus là. C'est surtout. Ouais, mais c'est surtout dans Mémoire de jeunesse. Bon, déjà, il y a. À la fin du mois, il y a Zedani et Jigor. Là, je me suis dans. Bref, voilà. c'est vraiment, vraiment émouvant. En plus, il y a Taron Egerton dedans, en second rôle. Il y a de super second rôles, il y a une super bande originale. Puis j'ai jamais autant pleuré de cette année, de tout. Voilà, c'est un podcast thématique larmoyon ou quoi? Soyez des hommes, merde! Je l'ai pas vu, ça parle de quoi? C'est, en fait, c'est un film sur la Première Guerre mondiale, ouais. Et donc sur la jeunesse qui a pas eu le temps de profiter de sa jeunesse, qui est partie de la guerre. Ouais. D'accord. Ok. Ah ouais, voilà. D'accord. Bon, ça a l'air. Ouais. Oui, ça a l'air pas mal. Voilà. C'est vraiment, vraiment. Parce que le titre est pas hyper encourageant, en fait. C'est un film français, Non, c'est un film anglais. Ah oui, mais. Il y a Alicia Vikander, c'est Taron Egerton, ils sont Perpignan, c'est quoi? Alicia Vikander et Taron Egerton sont très français. Ouais, ils sont Perpignan, il y en a une qui est. Et puis il y a Kit Harington aussi dans le film qui est très bon. Oui, ça change. Donc voilà, j'ai adoré Mémoire des jeunes. D'accord, bah moi je vais le voir parce que tu me. Enfin, regarde-le, Et bah pas moi. non, je devais le voir, mais j'ai pas eu le temps. Il fait son snob. Ouais, je fais mon snob. Bah, au lieu de on n'a pas tous les mêmes valeurs. Ouais, c'est ça. tu peux donner ton numéro 3. Numéro 3, Vice Versa, et pas Vice et Versa. Moi je dis Vice Versa. Oui, c'est pareil, Vice Versa. Pete Docter. Docter. Je vais pas rebondir sur. D'accord. Je vais rebondir sur. je sais pas comment c'est. Pete Docter, une fois. Pete Docter, Vice Versa. J'ai adoré ce film. Pour moi, le meilleur Pixar, mais depuis Toy Story 3. Et je pense que j'ai même préféré Vice Versa à Toy Story 3. Donc, c'est vraiment pour dire à quel point j'ai adoré le film. J'avais adoré au cinéma. Si vous connaissez Morgan, vous savez. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. De quoi? Pardon. De quoi c'est vrai? C'est vrai que. C'est... Non, mais c'est vrai que pour que tu dises ça, c'est vraiment que tu l'as adoré. Ah oui, oui, oui. Oui, et, oui, voilà. Et je l'ai adoré au cinéma et je l'ai encore plus aimé en Blu-ray, comme toi, Eddie. Pour moi, c'est vraiment le Pixar le plus mature, le plus courageux, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que parler de la dépression, c'est quand même délicat. C'est leur sujet le plus casse-gueule aussi. Exactement. Des personnages haut en couleur, si je puis dire, une fin magnifique et la musique de Michael Giacchino est juste parfaite. Vraiment un très très grand film. Ouais. Je fais court, moi. Je fais court, moi. J'en kiffe, moi. Eddie. Et donc, moi, attends, faut que je retrouve mon top. Ah oui, pardon. Pas de soucis. Star Wars, épisode 7, Le Réveil de la Force. Ouais. Bah non, parce que c'est pareil que le 4. Oui, alors, oui, voilà. Donc. Puis en plus c'est une héroïne la fille. Ouais, en plus, non, donc, c'est la fille, voilà, la fille. J'en ai marre du bashing autour de Star Wars. Non, et puis Kylo Ren, franchement, il est vraiment moche. Voilà, et c'est surtout le bashing autour de Kylo Ren. Ok, l'acteur. Je trouve ça ridicule. En non, fait. Alors, le film, il est pas parfait, le film. Mais et c'est vrai que son défaut en fait au film, c'est pas ce qu'il propose, c'est la manière qu'il a de le faire. Ah ouais. C'est vrai qu'il utilise beaucoup la narration, enfin la ligne narrative d'un nouvel espoir et de l'Empire contre-attaque. Mais est-ce que pour autant ça fait de lui un mauvais film? Est-ce que pour autant ça fait de lui un remake? Non, parce que finalement ce qu'il nous raconte c'est quand même différent. Il y a, je veux dire, oui il utilise un droïde avec un plan, et tout, mais oui ça c'est vrai. Mais dans le fond ça touche à beaucoup plus de choses quoi. C'est le premier film de la franchise qui touche vraiment à la mythologie en fait qui s'est forgée avec les autres épisodes. Donc déjà rien que ça, c'est pour moi c'est intéressant. Et puis merde, c'est la première fois qu'on nous présente un héros, enfin un méchant qui se pose des questions sur ce qu'il est vraiment quoi. C'est rare, surtout dans surtout dans quelque chose de produit par Disney, qu'on a un méchant qui doute de lui et qui supplie de ne pas aller vers la lumière. C'est un film qui veut pas, c'est un film qui veut faire abstraction de la rédemption. Donc il y a quand même quelque chose qui, voilà, ça me frappe. C'est tellement rare et surtout dans une franchise quand même qui a une base de fans énorme comme Star Wars, je trouve que c'est des messages intéressants. Non, mais donc pour moi, oui, c'est un bon film et visuellement c'est excellent aussi. Moi j'ai passé un super moment. C'est vrai que c'est pas le meilleur film de 2015, il a des problèmes, mais moi personnellement j'ai passé un super moment. J'ai envie de le revoir. et voilà, c'est pour ça qu'il est numéro 3. Non, mais c'est mérité, parce que il y a un bashing autour de ce film qui était là un peu avant, que j'arrive pas à comprendre. Parce que je me souviens des commentaires avant qui disaient, ouais, mais J.J. Abrams, c'est pas trop le plus légitime pour le faire, j'ai peur. On a peur quand même qu'il retrouve pas l'esprit de Star Wars. Il a retrouvé le truc, mais on lui reproche de faire du Star Wars. Je ne comprends pas les gens. Je ne les comprends pas. C'est sûr, et puis surtout moi le premier, je trouve que le Adam Driver, quand il enlève son masque dans le film, je le trouve pas charismatique. Mais après, le personnage, il est en phase de développement. Il est pas construit. Oui, donc, c'est une nouvelle trilogie. Moi, ce qui m'énerve, c'est que on enterre la nouvelle trilogie avant même que les films soient proposés. Ce n'est qu'une base. Ok, la base n'est pas parfaite. Il y a des trucs qui sont discutables en matière de scénario, effectivement. Par exemple, je suis pas fou de John Boyega. Je le trouve nul dans le film. Ah non, il est très mauvais. Il est mauvais. En même temps, moi, je dis ça, mais finalement, quand on prend Mark Hamill dans les premiers, on peut pas dire qu'il soit très bon non plus. Hein. Ouais, mais je trouvais le personnage mieux écrit. Oui, il surjoue à mort. Ouais, mais je trouvais le personnage mieux écrit. Dans le premier. Mais après. C'est justement, il y a un casting qui demande qu'à s'étoffer et qu'à mûrir aussi. Et puis merde, quand il y a Désiré de lait. C'est quand même pas négligeable. Ouais, moi, j'espère vraiment qu'elle va avoir une bonne carrière parce qu'elle le mérite. Et dans le film, elle est vraiment très très bien. Et j'espère qu'elle deviendra un vrai personnage central. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu du délit de sale gueule avec ce film. Le film agacé parce qu'on savait que ça allait être un film de. Là, c'est le plus gros succès de tous les temps. Enfin, on le savait. Et les gens, ça les énerve. Et je ne comprends pas comment les gens peuvent faire. De toute façon, les gens aiment critiquer des gros succès. Non, mais c'est surtout que, par exemple, voilà, je vais pas citer d'autres films, mais je pense que vous savez de quoi je parle. On casse ce film-là pour en encenser un autre, et je supporte pas. Ça m'énerve. Mmh, vous voyez ce que je veux dire? Dans le genre ancienne franchise qui est revenue en 2015. Ouais, mais il y en a un avec ce film-là, il l'avait bien fait parce que. La démarche n'est pas la même. Il fallait plaire aux fans et plaire à des nouveaux. Il y avait des enfants dans la salle où j'y suis allé. Il n'en avait pas vu un. C'est une bonne base pour repartir. Et le film a des défauts. Mais bon sang, mais un plaisir comme ça, l'attente, après. Moi, je comprends pas, il y a des commentaires que j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est du snobisme pur. Pour moi, c'est vraiment bouder son plaisir pour rien. Après, il y en a qui l'ont pas aimé et il y a pas de problème. Je fais pas partie de ceux qui disent ouais, mais t'aimes pas Target. Non, j'ai lu des critiques qui n'ont pas aimé avec qui étaient vachement intéressantes. Mais il y en a, c'est vraiment taper pour taper. C'est vrai. Ouais, voilà. Mais c'est très très bien, Star Wars. C'est juste, c'est vrai qu'on en parle un peu beaucoup. Mais... Le pire argument que j'ai entendu moi sur Star Wars 7, le pire du pire, hein, j'ai trouvé ça ridicule, c'est merci Disney, c'est un Narnia dans l'espace. Oh. Ah oui, si Narnia était aussi réussi, ça se saurait. Putain, ouais. Non, puis il y a du potentiel, je veux dire. Pour dire à quel point il y a de la mauvaise foi aussi, quoi. Bah oui, mais en termes de casting, en termes de potentiel, je sais pas, il y a quelque chose, quoi. L'univers on est obligé de s'inspirer pour pas trahir et. C'est du fanservice. Bah non, pour moi, c'est pas du fanservice. C'est limite oui, effectivement, il y a des échos au 4. Mais c'est, c'est un 4 qui est remodernisé. Mais c'est pas du fanservice pour moi. Comme le dit Axolo, pour lui, c'est un nouvel espoir upgradé. Oui, c'est ça. Et c'est pas du fanservice. C'est pas parce que J.J. Abrams n'est pas créatif. Bien sûr que si, il est créatif, J.J. Abrams. Enfin, je défie. Tout le monde n'est pas apte à faire un film comme ça. Mais J.J. Abrams, c'est pas possible. Enfin voilà. Et j'entends aussi d'ailleurs des gens dire ouais, mais J.J. Abrams, ça fait trop série télévisée. Ce qui est bizarre, c'est que quand une série a fait cinéma, les gens ils applaudissent. Mais une série, c'est pas péjoratif en soi. Il y a des séries qui sont magnifiques. On dit toujours qu'on est dans la meilleure. Il y a des séries qui sont meilleures que certains. Voilà. Et donc je vois pas en quoi. Bah, J.J. Abrams vient de la série. J'avais lu une critique une fois, quelqu'un qui avait dit que J.J. Abrams, s'il faisait pas des trucs compliqués, Lost, il y en a plein qui ont décroché au bout de la deuxième saison parce que ça partait dans des trucs un peu you-you, hein. Donc non, c'est pas. Enfin, il faut pas. On peut pas faire du compliqué dans Star Wars. Star Wars, c'est une tragédie classique et je trouve qu'il respecte bien. Après, j'ai peur du prochain de Rian Johnson. Celui-là, il me fait un peu peur parce que même J.J. Abrams, il regrette de pas faire. De pas faire le 8. J'aurais aimé, moi, qu'il fasse sa petite trilogie, parce que je trouve qu'il est légitime pour le faire. Mais il paraît qu'il regrette, parce que justement, le script est vraiment bon, parce qu'il part sur quelque chose de vraiment bien, donc c'est, voilà, c'est pour ça qu'il est un peu. Et l'univers sera, univers qui va, il va développer, il pouvait pas tout poser tous les enjeux, il faut qu'on garde un côté, c'est comme Star Wars 4, quand on revoit, quand on voit Star Wars 4, on sait que Dark Vador c'est le père de Luke, on le sait. Mais quand on regarde bien, c'est des trucs qui se développent au fil du temps. Yoda, on le voit dans le 5. Enfin, il y a forcément des nouveaux trucs qui vont arriver, quoi. Et c'est une belle expérience et j'ai adoré attendre ce film malgré tout. L'idée de se retrouver tous, D'accord. Bon. moi, je me suis retenu de parler de façon... Voilà. J'en dis pas plus. donc mon troisième c'est Tomorrowland. Ah ouais. Parce que je déteste le titre français. C'était, j'avais fait une ode à ce film dans ma critique, j'avais fait une ode à ce film dans le podcast. Critique, merci. Mais et c'est vrai parce qu'elle était, elle était vraiment très sincère et très. Il y avait vraiment de l'émotion en fait, donc c'est une belle critique. J'ai jamais fait un compliment merci. Comme ça, mais c'est. Bah parce que. parce que j'ai... Tu m'as pas entendu parler d'ode. Bref, on parlera d'un. On en parlera. Ouais, voilà. Il faudra écouter le dernier podcast pour comprendre. De toute façon, on en parlera encore après, je pense. Donc voilà, Tomorrowland, c'est un film que j'ai adoré, qui est rentré directement en première place quand je l'ai vu dans mon top. Vrai, parce que jusqu'à ce que deux autres films le dépassent. C'est un film que j'ai adoré voir, qui a un univers complètement nouveau. Qui est un film de science-fiction qui est crédible et qui en même temps c'est une ode à l'optimisme comme je l'avais dit, et c'est vraiment un film que j'ai passé un excellent moment. Voilà, les acteurs sont exceptionnels, les effets spéciaux sont aussi très très bons, et je comprends pas pourquoi ce film n'a pas mieux marché. Je conseille souvent à certaines personnes qui sont passées à côté de le voir, et ils sont jamais déçus. À chaque fois, je reçois. Ouais, c'est vrai. Hein. À chaque fois, on me dit qu'est-ce que je peux voir comme film de science-fiction sympa et moi, je leur conseille toujours Tomorrowland, et ils sont jamais déçus. Donc voilà, moi si vous l'avez toujours pas vu et que vous êtes passé à côté, c'est un film qui vous mettra par terre par la réalisation, par l'écriture, et quelque chose qu'on voit pas on voit pas très souvent ce genre de film. Donc du coup c'est voilà, moi j'ai adoré. on passe au deuxième de Quentin. Alors moi mon deuxième film c'est Vice Versa. Donc voilà, donc comme on a beaucoup parlé, je vais pas m'étaler dessus. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce film. Je trouve que la vision de l'enfance est très très juste dans ce film d'animation. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais moi là où je suis content avec Vice Versa finalement aussi, c'est que c'est vraiment un film d'animation qu'a fait 2015. Et puis c'est pas un film d'animation japonais ou c'est d'habitude c'est toujours ces films là qui sont plus pris au sérieux, et là c'est vrai. Oui. c'est plus ces films d'animation là qui sont pris au sérieux, et puis finalement là c'est un film Pixar rattaché à Disney et tout, et qui a vraiment marqué l'année en fait. Donc c'est bien, c'est aussi que... c'est trop rare pour ne pas être souligné. Ouais. C'est vrai que vu les quelques Pixar, c'était un peu Monstre Academy, Rebelle, c'était bien, hein, mais. C'était sympa, voilà, mais ça allait jamais au-delà. C'était des films mineurs. Là, quoi, c'est un gros claque. Deuxième de Morgane alors. Je me fais désirer. Kingsman. Et voilà, vous vous attendiez à l'avoir en premier. Eh bien non, mesdames et messieurs. Non, puisque tu l'avais annoncé dans le dernier podcast. C'est vrai. Bon, si vous ne l'avez pas écouté, déjà, c'est pas bien. Hein. Mais donc, Kingsman, le film de cœur, voilà, c'est mon film de cœur. Je l'ai vu 10 fois en salle. en plus, très rapidement, je crois que je l'ai vu en 10 fois en 2 semaines, quoi. Mais bon, ceux qui me connaissent savent ce que j'ai fait. Donc, Morgan a bivouaqué, en fait, au cinéma. Oui. Et bon, 10 fois, c'est rien. Ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà fait un peu, ça m'a... C'est rien. 10 fois, c'est une broutille. Voilà, 10 fois, c'est rien. C'est une petite marche dans le pas. Voilà. Les finger in the nose. On m'en reparle d'ailleurs de cette histoire avec Gravity, hein. Les gens s'en souviennent encore. Un gars qui bosse là-bas, il m'a dit, mais c'est un sketch. Dans 40 ans, les gens s'en souviendront encore. Ouais, puis il y a un fan de Star Wars qui est dans le journal parce qu'il a vu le film 7 fois. Non, mais attends, 7 fois. Qu'est-ce que c'est 7 fois? Non, mais c'est vrai. 7 fois. Le mec qui a vu Star Wars 7 fois. Tocard, vas-y. Ouais. Alors, Kingsman, ça fait du bien de voir un film comme ça parce que c'est un film original. Mais vraiment original. C'est tiré d'un comics. Écrit aussi par Matthew Vaughn et Mark Millar, donc c'est quand même son bébé malgré tout. Casting flambant neuf pour le rôle principal, hein, évidemment. Taron Egerton, pour moi, révélation. J'ai beaucoup de foot pour cet acteur, pas que pour son talent. Des personnages très classe, c'est un film d'espionnage qui ne tombe jamais dans le pastiche, j'avais un peu peur de ça. Mais Matthew Vaughn a une maîtrise absolue qui me fascine. Il y a un sens du rythme inégalé chez Snakla. Un très bon scénario, bien écrit, qui est pas spécialement le plus original ni le plus surprenant en matière de rebondissement, mais qui est très efficace, qui est super bien mené. C'est un film qui est fun avec des moments de drôlerie qui sont très marquants. Samuel Jackson est excellent, Sofia Boutella en gazelle. Bon, même si le personnage aurait peut-être mérité un peu plus de présence, oui, à l'écran, je le reconnais. Elle est non, comme... ça, il aurait mérité un peu plus d'être un peu plus approfondi effectivement. Donc, bah, je pense que ça lui aurait donné moins de force. Hein, elle est un peu fonctionnelle malgré tout. Mais je le reconnais, je reconnais le truc. Mais je sais pas si j'aurais aimé justement un flashback sur sa vie un peu comme Weed Girl. Moi j'aurais aimé parce que finalement elle est assez fonctionnelle. Elle est classe, mais elle est fonctionnelle. Mais après j'ai peut-être dans la suite après, peut-être qu'on aura un truc. Ouais, on verra. J'espère que Matthew Vaughn fera la suite parce que c'est. Mais bon, Matthew Vaughn, il est spécialiste de. Il fait les premiers volets puis il se barre après, il les laisse à quelqu'un d'autre. Ne fais pas ça, Matthew, si tu m'écoutes. Hein. Tu fais Kingsman 2, Kingsman 3. Ouais. Ah ouais, non, ce serait. Ouais. Non, c'est fun, quoi. C'est ce que j'aime au cinéma, dans le divertissement américain par excellence. En plus. Et moi, le fait que ça soit fun, ça m'a fait chier finalement. Parce que j'ai vraiment trouvé que c'était juste un prétexte. Bah, alors c'est pas que fun aussi. Qu'il y avait rien d'autre, quoi. Alors. Enfin, moi, c'est vrai, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je trouve que c'est hyper surestimé, quoi. Alors. Ah, merci. Disons que quoi. Je trouve ça. c'est fun. La scène de l'église, elle est géniale. C'est pas la tout, meilleure, la scène de l'église. Il y a plein de références. La meilleure pour moi, c'est la scène. Moi, j'ai du mal à voir autre chose, en fait. Que du pur fun pour justement satisfaire un public qui a faim en fait de voir ça, quoi. Mais ça fait du bien, et surtout parce qu'on le voit pas toujours, ce genre de film. Mais derrière, il y a autre chose pour moi. Je trouve pas. Exit, c'est un personnage. Moi, c'est un peu en demi-teinte, quoi. C'est sûr, c'est divertissant, mais je pense qu'avec un potentiel comme ça, il y avait autre chose à faire. Ouais. Et voilà. Et pour moi, faire un film cool, ça excuse pas tout, quoi. Mais moi, c'est pas que cool, hein. Ça manque d'émotion, ça manque, voilà. Moi, je trouve que, en fait, la coolitude du film, elle est au détriment de plein d'autres trucs. Mais bon, après, l'émotion, elle est là au début. C'est un ressenti personnel. L'émotion, elle est là au début. Moi, j'ai pas, elle est là au début, l'émotion. J'ai pas été embarqué comme vous. Enfin, c'est vrai que j'ai pas compris la déferlante Kingsman. Mais c'est pareil. Enfin, je me rappelle que quand j'étais, t'étais pas là, Mehdi, t'avais pas vu le film. Non. Mais quand j'étais en train de le défendre contre Quentin et Morgan, j'étais un peu seul parce que je l'avais vu après qu'ils aient déclaré que ce soit le chef-d'œuvre de l'année. Et quand je l'ai vu, ouais, c'est cool, mais... Bah, c'est tout, quoi. Moi, je l'ai vraiment perçu comme ça. Hein. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, hein, même si, dans le fond, j'ai quand même passé un bon moment, c'est oui, pas ce que je dis. C'est pas non plus... C'est... Évidemment, il y a bien pire comme film, ouais. Mais finalement, j'ai un peu vu comme un... Pour moi, c'est pas que... Je vais me faire taper dessus, mais j'ai un peu vu comme un... En fait, finalement, quand il y a des références comme ça à d'autres films utilisés à foison juste parce que c'est cool, je trouve que ça en devient lassant, en fait. Mais pour moi, c'est pas que cool, je trouve que le film arrive quand même, et de toute façon, même si c'est pas son rôle non plus, mais il arrive très subtilement à, parce que Exit, un personnage qui vient d'un milieu défavorisé, qui justement a des préjugés sur, quand il voit Colin Firth, c'est plutôt quelqu'un qui vient un peu de la haute bourgeoisie et tout, et je trouve qu'il y a un discours intéressant qui est désamorcé par une scène de fight qui est juste géniale, mais je trouve que y a un beau mélange, en fait, et c'est aussi un film sur le rapport à l'enfance. Par rapport à Samuel L. Jackson, qu'on voit qui zozote, qui lui tout ce qu'il veut c'est manger du McDo tous les jours. C'est un film là-dessus aussi. Mais ça, par contre, ça m'a plu. Voilà, mais après le côté burlesque qui est complètement con du méchant, bon c'est pas très novateur en soi. Mais mais j'ai pas dit que c'est novateur, j'ai dit qu'au moins mais c'est vrai que c'est par contre ça c'est pour moi un point fort du film, c'est que du coup toute la tension finalement repose sur la débilité de ce méchant, en fait. Bah oui. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort. Pour moi, il est pas débile, il est juste jeune dans sa tête. Et en plus, en matière de film d'espionnage, la puérilité du personnage. En matière de méchant, pour moi, c'est pas normal que le méchant de Spectre soit beaucoup moins bien que le méchant de Kingsman. Kingsman, pour moi, est le meilleur film d'espionnage de l'année, parce que pour moi, en plus, il propose quelque chose. Pas dans son scénario, mais dans les personnages, j'ai adoré les personnages. Parce que l'intrigue est quand même vachement plan-plan. Hein. L'intrigue est classique comme tout, comme beaucoup de films d'espionnage, hein, quand tu regardes bien. Oui, mais justement. Mission Impossible 5, c'est un peu, c'est pas non plus un film à scénario, c'est un film aussi à grand spectacle et tout ça. Et j'ai trouvé que la recette de Kingsman m'avait plu, parce que je trouve que les personnages sont hauts en couleur. Colin Firth, je l'avais jamais vu autant en forme que dans ce film-là, il m'a épaté. Colin Firth, c'est très très bien. Il est excellent. Samuel Jackson, pour moi, c'est un acteur, je l'avais un petit peu perdu de vue. La réplique qu'il balance dans juste avant la scène de l'église, c'est génial. Oui, après la scène de l'église a fait débat et je peux comprendre, mais c'est vrai c'était le moment le plus marrant du film. Mais je trouve que le film, il est pas que fun, il à partir juste après la scène de l'église, c'est le moment où le film il bascule dans le côté dramatique par rapport à un événement qui se passe. Et là, je trouve que on passe du côté un peu pastiche. Enfin pour passe moi du coq à l'âne. Exact, voilà, mais je trouve qu'il le fait bien et que du coup c'est génial, j'ai adoré, je l'ai revu en Blu-ray, super, ouais. Super. Mais je comprends. Mais après j'en suis ravi pour vous, hein, franchement. Oui, bah, voilà. Oui. Moi ça me fait plaisir de vous voir, voilà, j'aimerais vraiment connaître ça. Mais il est moins bien que le film numéro 1, qu'on parlera après. Et forcément. Donc maintenant, Eddie, pour ton numéro 2. Alors moi j'ai longtemps hésité, et finalement mon numéro 2 c'est It Follows. Ah ouais. David Robert. Elle est haut placée quand même, It Follows. Hein. Waouh. Ouais. Mm. Ah ouais, j'ai vraiment. Moi, j'ai. Alors, je m'attendais pas à vivre ça et j'ai. Enfin, j'ai vécu un truc de malade, quoi. Donc bon, maintenant vous n'avez plus aucune surprise sur mon numéro 1. si, parce que je sais pas du tout ce que tu aurais pu mettre. Bon, donc du coup, mais tant mieux. Enfin voilà, moi, c'est vrai que c'est un. C'est vrai. Ça fait vraiment. C'est vraiment de ces films qui m'a marqué cette année, quoi. Mm-hmm. J'en suis ressorti. Enfin, genre, moi, je l'ai vu chez moi, je suis pas sorti de chez moi, mais la fin de la séance. Quand t'appuies sur la fenêtre fermée. Non, je l'ai vu sur ma télé. Ah. voilà, quand le film s'est arrêté, je me suis dit putain. Et c'est vrai que je peux pas dire j'ai été terrifié ou quoi que ce soit, mais parce que moi, je suis un peu, je dois pas être normal pour ça. Je confirme, t'es pas normal. J'ai pas peur devant les films d'horreur, moi, donc il y a un gros problème. Moi, il rigole, tu vois l'exorciste, il fait. Mais oui, non, mais l'exorciste, je trouve ça drôle, en fait. Ah ouais, c'est c'est devenu drôle. Tellement cheap que maintenant je trouve ça drôle. Mais, et du coup, merde, qu'est-ce que je disais? Et oui, et c'est vrai que devant celui-là, j'ai ressenti des sensations viscérales pour toi. Du malaise. Ouais, vraiment du malaise, quoi. Et c'est, ouais. Mais pour moi, c'est limite, ça allait au-delà de la peur, en fait, de ressentir ça. Ouais, c'est. Donc voilà. C'est pour ça que je le mets là, parce que, pourquoi je le mets en numéro 2? Parce que c'est ça aussi. C'est pas seulement parce que l'écriture est très bonne, la mise en scène est excellente, la bande son, les acteurs, enfin, tout va très bien dans ce film, mais, pourquoi je le mets en numéro 2? Parce que c'est vraiment un film devant lequel j'ai ressenti des vraies sensations, en fait. Ouais. Et où j'ai eu des réactions physiques aussi. Donc voilà, pour moi, numéro 2, et je pense franchement qu'il le mérite. Oh, oui. Pour moi, c'était mérité très qu'il soit à cette place-là. Voilà. Le premier mérite peut-être moins sa première place, mais bon, ça, c'est un autre débat. D'accord. Bon, ben, moi, alors, mon numéro 2. Je viens de le changer. Ah, ah bon? Ouais, Oh, le t-shirt. Je viens de le changer. Non, mais j'ai toujours rien dit, donc j'ai le droit de changer. Hein. C'est passé sur Vice Versa. C'était mon film de l'année. Attends, ça veut dire que ça a changé, donc le premier n'est plus Vice Versa. Non. Mais vous faites des twists, les mecs, hein, arrêtez. Hein. Le cœur ne va pas se tenir. Ouais, on est en mode Christopher Nolan. Ah oui, ouais, c'est ça. Ah bah non, Christopher Nolan. Non, bah plutôt. Non. Prétentieux. Oh, plutôt Shyamalan. Oui, c'est prétentieux. Plutôt Shyamalan, il a rien inventé. Non, Vice Versa, c'est un film que j'ai adoré. c'est un film que j'ai vraiment adoré. J'en avais parlé très très longuement dans un podcast podcast de juin, je crois. Et j'en ai fait une très longue critique aussi. C'est un de mes films d'animation préférés. C'est sûrement mon Pixar préféré. Ouh, Toy Story 2 quand même. Je préfère Toy Story 1. Et Toy Story le monde 2, de Nemo. C'est un post. c'est un film. On en a déjà assez parlé, oui. Mais j'ai ressenti beaucoup d'émotions devant ce film et. Je pense, enfin, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas vraiment, enfin, qui ont été déçus par ce film. Moi, j'ai pas du tout été déçu, j'ai été surpris par ce film. Je m'attendais pas à voir Pixar traiter aussi bien de, comme vous avez dit, de la dépression, etc. Enfin, voilà, c'est. Et puis, je me suis retrouvé dans le personnage. Maintenant, voilà, j'ai vu qu'une fois le film, je suis désolé, j'ai oublié le nom de la petite Riley. Fille, voilà, merci. Parce que j'allais dire Ridley. Non, c'est Daisy Ridley ou c'est Ridley Scott. Ce qui en soi n'est pas la même chose. Non. Oui, donc je me suis retrouvé un peu dans la petite fille parce que j'ai vécu un peu la situation. Non, pardon, Axel. Désolé pour ceux qui ont l'esprit mal tourné. Je voulais pas dire cette phrase comme ça. Mais voilà. j'ai vécu un peu une situation similaire et du coup, voilà, ça m'a beaucoup touché. Et voilà, c'est à peu près tout. On va passer maintenant, enfin, au numéro 1. De Quentin. Et donc, on va commencer avec Quentin. Alors, mon numéro 1, c'est Kingsman Service Secret. Voilà, c'est pas une surprise. Parce que c'est génial, parce qu'il y a de super thématiques, Parce que c'est cool. Non, non, c'est pas que c'est cool. Mais Morgane a tous les yeux en même temps, donc t'adores. J'ai trouvé que le film trouvait vraiment le juste milieu. Ça aurait pu tomber complètement dans le Austin Power complètement débile, voilà. Mais c'est justement, c'est un nom, il y a un enjeu. Je trouve que c'est bien dosé, voilà. Il y a des vrais enjeux, il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment pas con, c'est. Franchement, le film, il a mis foutu un gros coup de pied dans mon top 10 all time, enfin voilà, de mes films préférés absolus, quoi. À tel point maintenant, il est nostalgique de ses vacances de février par rapport à ce film-là. Merci de parler des messages privés. Alors, on ira un peu plus loin. Avec Morgane, rien n'est secret, hein, de toute façon. Non, non. Le petit. Ouais, il se marre tout seul. Donc oui, donc Kingsman, c'est trop bien, c'est... voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ok. On va passer à Morgane pour ton numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est donc le dernier film que j'ai vu cette année, en 2015, hein, et c'est le film qui m'a le plus bouleversé, mais... Mais du coup, est-ce que c'est légitime? Totalement. Parce que parfois, tu sais, ça joue, ça. Oui, non. Alors non, parce que j'arrive à reconnaître. Moi, je l'ai vu en 2016 et j'ai. j'arrive à faire un peu le juste milieu entre des films qui m'ont beaucoup plu sur l'instant présent et j'arrive à savoir, par exemple, Mon Roi de Mai Wen que j'avais adoré sur l'instant présent. Aujourd'hui, j'y pense plus tellement. Hein, il m'est. Voilà. Mais Au-delà des montagnes. Donc voilà. Donc je vais parler de Au-delà des montagnes de Jia Zhangke. Je l'ai vu donc le 28 décembre, il me semble. Oui, je crois. Non. Bon bref, je sais plus. Donc dernier film que j'ai vu cette année et aujourd'hui j'y pense encore. Et quand j'y pense, c'est la même émotion qui revient. Il y a l'envie de le revoir, mais malheureusement mon cinéma d'art SN ne le passe plus. Mais au moins je vais pas me plaindre parce qu'au moins ils l'ont passé. Disons que c'est pour moi le gros moment de cinéma qui me manquait cette année. On a eu des films fun, on a eu des films très émouvants, on a eu Vice Versa, on a eu tout ça, mais il me manquait vraiment le film tout en un, avec les thématiques, le jeu d'acteur, la réalisation, le scénario, et pour moi ce film est juste parfait à ce niveau-là, c'est pour moi le meilleur scénario de l'année, la meilleure réalisation de l'année, meilleure actrice de l'année, aussi, et meilleur réalisateur de l'année, au passage. Donc c'est un film chinois de Jia Zhangke, qui m'avait déjà en 2013 un peu bousculé mon top avec A Touch of Sin. Il était passé juste derrière Gravity, mais ah oui d'accord. Voilà. Un réalisateur habitué des festivals, du coup. Et je m'en rappelle comment t'avais galéré, tu m'en parlais. Putain, mais je sais pas comment faire mon top et tout. J'ai vu trop de films. Mais oui. Je sais pas. Bah oui. C'est vrai. Non mais c'est vrai. T'en avais chié, je m'en rappelle. Ouais non pour 2013. Et là bah du coup. Effectivement, Kingsman, c'est bah voilà, c'est fun, c'est mais Au-delà des montagnes m'a procuré des émotions que je n'avais pas ressenties cette année. La scène du début qui répond à la scène de fin qui est juste bouleversante. L'histoire aussi, c'est quand même un film qui se passe sur trois segments temporels. On suit l'histoire d'une femme de 1999 jusqu'à 2025, donc il y a un côté présent, présent, passé et futur. Donc il y a un côté science-fiction dans le film. Ouais. C'est l'évolution d'une histoire d'amour et tout. Ah ouais, Eddie, honnêtement, toi. Je sais pas comment tu abordes le cinéma asiatique, mais c'est un mélodrame en fait. Mais je l'aborde pas. Ah ben justement, mais c'est tu peux y aller. Beaucoup de films asiatiques. Ouais non mais. Je... Et pour commencer avec celui-là, c'est un peu. Non ça va. Hein. Rien que pour l'histoire, parce que c'est quand même un mélodrame en soi. C'est un grand mélodrame. Et pour moi, c'est le gros moment de cinéma qui manquait cette année. Je me suis dit, j'ai pas eu le film en me disant, ouah, claque sur l'instant. Et c'est le film où j'ai passé tout le film, les deux mains sur le visage et avec les yeux écarquillés, j'étais fasciné. C'est bouleversant, magnifique, chef-d'œuvre. C'est un très très grand film. C'est pour moi le meilleur film que j'ai vu cette année. Bon, ouais, mais ça donne envie, oui. Moi, je suis pas trop du même avis, mais c'est pas très grave. Raciste. Moi, j'ai trouvé... Direct. Des rapistes. Oh, alors là. Alors ça, c'est plus raciste. Encore. C'est pas très Charlie, hein, je sais. Non, mais. Je te l'ai un peu survendu quand même, je dois l'avouer. J'étais un peu. Dans le dernier podcast, ouais. on a enregistré le podcast deux heures après que je sois sorti de la séance. Et c'est vrai que. Tu me l'as survendu. La première partie, j'ai adoré. Ouais. Dans les années 90, c'est vraiment 39, une très très bonne partie. Je me suis dit, c'est bon, c'est un très très bon film. Je vois de quoi Morgan parlait. Et arrive la partie 2014, et on se fait chier. De toute façon, les années 90 sont meilleures que les années 2000. Mais c'est 2010. Mais bah, c'est surtout... les dialogues sont plats. Ce sont trois films différents, c'est trois segments, mais trois films différents, dans la mesure où en plus... Mais ça, c'est toujours la difficulté, en fait. Ouais, hein. C'est que c'est jamais évident de... C'était toute la difficulté de Claude Atlas, par exemple. Oui, mais c'est réussi. Ah non, si. Donc Claude si. Atlas, toutes les histoires sont pas... au-delà des montagnes, il y a meilleures que Claude Atlas. Elles sont très bien, mais non, mais elles fonctionnent pas toutes pareilles. Claude Atlas fait 3 heures. Là, au-delà des montagnes, il fait 2h05. C'est parfait. Tu peux faire un grand film. Enfin, bon, après, Claude Atlas avait plus d'ambition visuelle. Mais c'est surtout aussi que, bon, à côté du mélodrame, Claude Atlas, c'est 6 époques. Voilà. L'idée de faire évoluer les personnages dans un segment temporel, ça permet aussi de faire un constat sur le bilan de la Chine aujourd'hui, de voir qu'en 99, comment, c'est et c'est un film aussi sur le mondialisme aussi. Enfin, je trouve qu'il y a un propos derrière politique qui est très fort. Ouais, il y a une vraie démarche. Il y a une grosse démarche, et en plus, elle est maîtrisée, même la partie du futur, qui pourrait, parce que les Chinois, c'est pas non plus, c'est pas minorité. Report hein, non plus, mais je veux dire, au moins c'est pas cheap non plus. Je trouve que c'est... Enfin, j'ai adoré ça. T'as trouvé ça cheap? Un peu. Ah bon? Un peu. Oh là. il y a des. Attends, franchement... non mais Morgan trouve les films de Roland Emmerich beaux visuellement. Donc, mais non, déjà, je trouve ça fun. Ou un peu le niveau d'exigence du gars. D'accord. Je crois avoir trouvé ton top 1, toi, tu veux. Non, mais. Par d'exigence. Non, mais Au-delà des montagnes, c'est un très beau film. Dans sa première partie, la deuxième un peu chiante, et la troisième, il y a des super belles scènes, mais les dialogues plombent un peu le tout. Et il y a juste la scène de fin, effectivement. La effectivement, scène de fin, c'est la meilleure elle scène est très de bien, l'année. Elle est très bien, la scène de fin. J'ai pensé, tu m'as dit, pense à moi, la scène de fin, j'ai pensé à toi, la scène de fin. C'était très bien, mais après, le film m'a pas marqué, pas marqué tant que ça. Ouais. En fait. J'étais un peu déçu par rapport à l'ambition que tu portais. Mais oui, c'est ça, et je pense que c'est rare. Hein. Enfin, c'est rare. Je pense que si j'étais allé le voir sans avoir entendu ton avis, j'aurais peut-être mieux aimé. Mais... Je suis vraiment chieur, moi, ça m'énerve. Non, mais j'ai trouvé vraiment la. Enfin, je sais pas, la partie du milieu, t'as pas un peu. Non, pas du tout. J'ai senti le changement de rythme, effectivement, mais il y avait l'évolution des personnages à côté qui faisait que je pouvais pas m'ennuyer du tout. Mais c'est compensé. Voilà. Mais si ceux qui ont écouté le dernier podcast, j'étais enthousiasmé d'aller le voir. Ah oui, hein, c'est oui. Pas, ouais, j'étais vraiment convaincu de vouloir aller le voir et j'y suis allé dès le premier jour où il était. Et voilà. Mais voilà, ça n'a pas autant bien marché pour moi. Ouais, meilleur film, alors que moi, meilleur film de l'année. Et franchement, j'ai bataillé. Je me suis dit, attends, il y a Kingsman. Kingsman, j'ai fait chier tout le monde avec ce film. Et au final, c'est vrai, qu'est-ce qui m'a touché le plus? C'est un peu comme en 2011 avec The Tree of Life, j'avais mis que Police était mon film préféré, mais au final j'avais bataillé parce que The Tree of Life était juste derrière. The Tree of Life m'avait plus touché dans les thématiques, dans le visuel, dans l'ambition du truc. Et effectivement, The Tree of Life était passé premier. Bah, c'est exactement. Je le compare à The Tree of Life dans ce qu'il m'a procuré en fait. Bon, je dis pas Eddie, attention Eddie, hein. Attention. Mais je n'ai rien dit. Non, mais je comprends je comprends ce que tu veux dire. Ce que je veux dire. Ça, je me tutoie. Mais pour moi, c'est. Incroyable. D'accord. Ce film m'a procuré les émotions ultimes que... Voilà. Quand on dit que 2015 est une mauvaise année, j'ai envie de dire non. Il y a ça. Et le problème, c'est que les gens, c'est pas un film... C'est pas une mauvaise année. C'est une année qui est un petit peu en dessous de ce qu'elle aurait pu. Voilà. Ok. Ensuite, c'est dit. Numéro 1. Alors, donc vous avez deviné... D'après vous, c'est quoi mon numéro 1 Jurassic World. Bah oui. Alors, c'est... Alors, pourquoi Jurassic World? Parce que je suis qu'un gros fanboy aveugle. Voilà. Non, c'est même pas... Il doit bien y avoir un petit peu de ça quand même, mais... De toute façon, enfin, moi ce sera pareil. Hein, mais donc, voilà, donc bon, on va se comprendre avec Axel. Non, mais je te comprends. Non, mais parce que moi, enfin, faut aussi se mettre à ma place aussi, c'est que c'est un film que j'attendais depuis bien trop longtemps déjà. Puis non, puis c'est parce que, comme je l'ai dit, je fais un top qui n'est pas forcément objectif, c'est vraiment un top de ce que j'ai vécu au cinéma. Et je suis désolé, mais quand je dois... Enfin voilà, quand on me dit 2015... cinématographiquement, moi c'est Jurassic World parce que c'est là où j'ai vécu le plus de trucs quoi. Et je pense que ça surprend, de toute façon ça ne surprend personne cette place de numéro 1 pour moi, parce que voilà, je suis content en fait de je suis content de ce qu'ils ont réussi à faire, même si évidemment il y a des défauts, il y a des trucs que j'aime pas dans le film hein. Il y a des trucs que j'aime pas dans Jurassic World. Mais à côté de ça, il y a des trucs que j'adore et qui font que... Donc voilà, moi je suis content du retour de la franchise. Par contre, j'ai vraiment très très peur pour l'avenir. Oui, voilà, ça peut vraiment partir en cacahuète. Et de toute façon, ça va certainement partir en cacahuète. Donc voilà, mais moi, c'est le film devant lequel j'ai ressenti le plus de trucs cette année. Et puis j'ai vu des dinosaures au cinéma, donc j'étais content. Et non, mais voilà, sais que je peux totalement me décrédibiliser en le mettant en premier, mais je m'en fous, quoi, je l'assume. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment. C'est la première fois que je verse ma lame en voyant un dinosaure à l'écran. Donc c'est quand même. J'ai vraiment. Je me suis. C'est rare les films qui parviennent à me faire retomber comme ça en enfance, en fait. Ouais. Et je sais que le film a des problèmes, que c'est bateau, que l'écriture est pas parfaite, voilà, moi j'ai ressenti des trucs, donc je peux pas faire l'impasse là-dessus, quoi. C'est sûr que si j'avais voulu vraiment être un peu plus objectif, j'aurais mis It Follows en premier et Jurassic World en deuxième. mais du coup, non, c'est Jurassic World en premier. Ouais. Non, ne vous déplaise. Non, mais c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Je pense que t'as fini. Oui. Okay. je pense que j'ai assez parlé de ce film, hein, quand même. Moi, mon premier, vous pouvez remplacer tout ce que Eddie a dit. Vous remplacez le mot Jurassic World par Star Wars et dinosaure par Han Solo. Voilà. Et vous avez à peu près la même chose. C'est pour ça que je viens de le changer, en fait, parce que je me suis dit, j'ai vraiment eu du mal à rentrer ce film Star Wars épisode 7, hein, pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, au cas où. J'ai vraiment eu du mal à rentrer ce film dans mon top parce que il est rentré, je suis sorti de la salle, j'avais les larmes aux yeux, la chair de poule, et le crédit de fin venait de se finir, que j'avais dit bon ben, il faut que je me repaye une séance. J'ai toujours pas fait, hein. J'ai toujours pas revu le film, mais il faut absolument que je le revoie plusieurs fois parce que c'est une des meilleures expériences que j'ai vécues au cinéma de toute ma vie, vraiment. Parce que le film, c'est le premier Star Wars que je voyais sur le grand écran. Les trois derniers qui étaient sortis, vous connaissez, je suis pas très fan. Non, puis moi j'étais pas au courant de tes notes. Et en fait, quand j'ai vu tes notes, putain, je me suis dit, ah oui, c'est qu'il a. Quand tu dis qu'il aime pas, il aime vraiment pas, en fait. Parce que même moi, je suis plus généreux sur la trilogie qu'Axel. Et moi, je suis pas fan de Star Wars à la base, quand même. Ouais. Axel, parce que j'étais absent, on va expliquer. Oui. T'as donné ton numéro 1. Oui. C'est Star Wars. Oui. Ah oui, d'accord. On va dire moi, c'est Jurassic World d'un côté, Star Wars de l'autre, mais vous allez vous faire lyncher. Ouais, mais comme je l'ai dit, moi je l'assume. Non, mais oui, il faut. Je l'assume justement parce que j'avais mis Vice Versa là, juste devant moi, j'ai mon top 10. Il y a Vice Versa en premier, mais je l'ai changé parce que j'ai pas envie de me mentir à moi-même. Voilà. J'ai pas envie de mentir aux gens. C'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que en même temps, c'est vrai. Parce que quand tu fais la démarche de snob et dire bon voilà, bah tu te dis bah oui je suis cinéphile machin donc évidemment je vais mettre un film d'auteur et tout et voilà. tu fais de la critique donc t'as toujours une démarche quand même derrière de vouloir comprendre un film et tout mais en même temps quand tu fais un top tu peux pas te permettre de mettre des choses que tu penses pas vraiment et bien c'est pour donc, ça c'est pour ça que j'ai hésité avec Au-delà des montagnes j'avais pas envie justement qu'on pense ça c'est pour ça que j'ai voulu un peu préciser que t'aurais dû être honnête et faire comme Quentin et mettre qui bah non bah non parce que honnêtement, Au-delà des montagnes, non, je pense que si j'avais été pleinement honnête, j'aurais mis Hunger Games dans mon top. Hein, oui. Ah ouais. Ah. Mais après, enfin, je veux dire, j'avais plein d'autres trucs. Enfin, il avait sa place dans mon top. Mais après, voilà, comme ça. Est-ce qu'il est même pas dans ton top Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Non, il est pas dans le top, mais il avait sa place. Qu'est-ce qui t'arrive quand même Il grand. Mais finalement c'est stressant en fait quand on s'en rend compte. Mais oui. Non mais on s'est dit qu'il y a un gros problème. Mais oui, je l'ai connu à 12 ans et regardez, maintenant c'est un jeune homme plein de vie. D'accord. Moi j'étais juste en train de parler Star Wars. J'ai jamais ressenti ça durant une séance de cinéma, c'était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai. Voilà. Et pourtant, je. Enfin, vous. Et t'avais ça, peur, ça, hein, ça faisait des mois. Et je l'ai, j'ai et retardé. J'étais dégoûté quand il est sorti. J'ai retardé cette séance. J'étais dégoûté quand il était sorti. Je voulais pas qu'il sorte ce film. Parce que je voulais pas en parler. parce que. voilà. Mais finalement, je suis obligé d'en parler parce que. Voilà. Et quand même, là où on doit féliciter Axel, c'est qu'il a réussi l'exploit d'aller voir Star Wars quasiment 3 semaines après sa sortie sans se faire spoiler. Ouais. Et alors, ça, c'est quand même assez énorme. Un seul moment. Ouais. Un seul moment. C'est moi, je m'en suis fait spoiler. Hein. Sans, voilà. Le plus important d'ailleurs. Donc bon, bref. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on va pas spoiler pour ceux qui n'ont toujours pas vu. Hein. C'est quand les trois qui n'ont pas vu. On va attendre au moins un an avant de spoiler Star Wars. Ouais. Mais, mais voilà, c'est vraiment. Je sais pas vraiment quoi dire. Je suis retombé en enfance, comme t'as dit, Eddie. C'est difficile de mettre des mots sur des réactions comme ça. Voilà, c'est ça. C'est très viscéral et c'est très. Voilà, c'est le film de mon enfance, Star Wars épisode 5, pour être plus précis, même si la trilogie originale est vraiment. C'est les trois films que j'ai le plus vus durant ma jeunesse, et c'est les films qui m'ont marqué. C'est toujours mes films préférés de tous les temps, même si je sais que. Alors, Orange Mécanique ou des trucs comme ça, c'est plus. C'est mon deuxième, mais si j'étais objectif, je le mettrais en premier, mais je suis pas objectif, donc je le mets en deuxième. Mais voilà, je pourrais mettre que des films d'auteur, des films qui sont un peu plus, un peu moins commerciaux, mais finalement, je peux pas me mentir à moi-même, je mets Star Wars épisode 7 en premier, que ça déplaise à certains, que certains disent que c'est un remake de l'épisode 4, je m'en fiche, que certains, surtout que ceux qui disent ça aiment, tu voulais le dire Morgan, moi je le dis, aime défendre Mad Max alors que Mad Max Fury Road c'est un remake de Mad Max 2. Oui, c'est ça que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre, franchement. Donc, Mad Max il était dans mon top jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à ce que Citizen 4. Il est bien, Mad Max. Ce que je vois Citizen 4. Il est très très bien. J'ai passé un excellent moment. Mais voilà, il y a des gens qui descendent Star Wars épisode 7 alors qu'ils adulent. Mad Max parce que je sais pas pourquoi, je sais pas la logique, mais parce que c'est plus commercial Star Wars alors c'est que Mad Max c'est aussi même... d'aimer Mad Max parce que je pense il y a un peu de ça aussi c'est bien d'aimer Miller parce que Miller c'est un visionnaire on parle quand même de celui qui a fait Happy Feet qui sont ce qui serait bien surtout c'est que les gens se fassent leur propre avis et puis ils arrêtent d'être influencés par des magazines surtout. Voilà, Miller à part Mad Max Fury Road après j'ai pas vu les premiers Mad Max le premier Happy Feet c'est pas possible hein, sérieux Happy Feet puis après comment tu peux être enfin je sais pas comment tu peux trouver Babe mais franchement il y a des gens c'est y a des visionnaire gens qui tout est bon dans le coup mais voilà mais ça fait rire, mais c'est vraiment ce que disait. Ouais. Non, disons que quand quelqu'un fait un chef-d'œuvre, on est révisionniste sur la carrière en disant ouais, c'est le. Miller est un excellent réalisateur, parce que pour pondre Mad Max, quand même, il faut avoir un immense talent. Et c'est pas ce que je dis. Mm-hmm. Et franchement, si Miller gagne l'Oscar du meilleur réalisateur, il y aurait aucun problème, parce qu'il le mérite. Ouais. Son ouais, film, il le mérite. C'est un grand film, Mad Max. Mm. Et ça, c'est un cap dans le cinéma d'action. Mais je trouve que cette idée de d'encenser un pour taper l'autre, enfin de taper ouais, sur exactement. L'un, ouais, ouais, voilà, ouais. Ça j'aime pas, parce qu'il y a un côté, il y a un côté un peu gris. C'est comme, attends, j'ai envie de dire, ce sont les mêmes, parce que je lis un peu sur, je vais pas cibler des presses. Il y a une presse en particulier que je vise qui reproche certains sites de relayer l'information comme quoi Star Wars est un succès planétaire, mais à l'époque d'Avatar, ça les dérangeait pas. Si tu veux. Ouais. Donc du coup, je trouve ça un peu bizarre. Il y a des réalisateurs qui ont la carte. Cameron, il a la carte. Et Abrams, non. Je comprends pas, en fait. Je préfère Cameron à Abrams, il n'y a pas de souci. Mais je comprends pas cette idée de. Enfin, pour moi, c'est un manque d'objectivité en soi. Il y a un côté un peu aigri. Mais justement, quelque part. Je comprends pas. Quelque part, ça dégoûte un peu du film qui est privilégié. Ah ouais. Enfin, justement, Mad Max en. Limite envie, voilà. Mais moi, c'est vrai que moi, l'effet Mad Max, déjà, Mad Max me tentait pas, puis alors en plus, le fait d'en avoir autant entendu parler, je crois que ça m'a vraiment. Mais c'est fini, quoi, mais là, il y a même plus d'espoir. C'est vraiment un film que j'ai pas envie de voir du tout. Et c'est un film, comme vous avez pu le voir, il est pas dans mon top. Le top, il avait un peu circulé sur Facebook, sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Mad Max, comme si que Mad Max était. C'était obligé de le mettre. Non, j'ai adoré Mad Max, mais ma subjectivité la plus totale fait que c'est pas le film devant lequel j'ai pris un pied, j'ai adoré. Et Mad Max, pour moi, il y a des défauts. Mais j'y reconnais des grosses qualités, mais c'est pas parfait, quoi. Mais pour moi, il y a un peu cette idée de. Certains ont la carte, d'autres non. Et je trouve pas ça honnête. Et puis c'est parce que c'est Disney aussi. C'est Disney, c'est tapé sur la grosse machine. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça, hein. Oui, il y a ça aussi qui joue. Faut pas l'oublier avec le nouveau Star Wars. Hein. C'est qu'il y a derrière, il y a Disney. Et puis il y a Lucas qui est opportuniste en disant qu'il aime pas le film. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui jouent. Non, mais alors, moi, plus ça va, plus qu'il m'énerve. De toute façon, donc, je trouve ça ridicule. Et je voyais. Du jour au lendemain, il change son. Il avait dit de Disney que c'était des esclavagistes. Ah non, mais la vieillesse, c'est vraiment pour. C'est nul. En même temps, juste pour. Vas-y, Quentin. Morgane. Après, je peux comprendre aussi, parce que bon, je vais défendre Lucas, mais un tout petit peu. Je peux comprendre. Alors, il y a des gens qui vont dire il avait qu'à pas vendre à Disney. C'est vrai. Mais en même temps. Je pense qu'il a offert au plus offrant, donc si un jour j'achète une maison et puis que je la fais louer, je la fais louer au plus offrant. Malheureusement, l'argent, tout le monde aime l'argent et je pense que Lucas il est le premier. Maintenant, je pense qu'il a le droit de dire qu'il n'aime pas ce que Disney en font, par contre il faut être sacrément débile pour pas s'en être douté avant. Filer un truc comme ça à Disney, c'est quand même. Disney c'est une usine à gaz ce truc. Donc bon, c'est Lucas il est un petit peu con. Il a le droit de pas aimer, mais il est un petit peu con quand même de pas y avoir pensé avant. Et voilà, et puis en plus j'ai vu, toi tu parlais d'un truc, le truc le plus débile que t'avais vu, Eddie, par rapport à Star Wars 7. Moi j'ai vu encore un truc encore plus débile, c'est que j'ai vu que J.J. Abrams prenait aucun risque, et que George Lucas prenait des risques avec sa prélogie. Bien sûr. J'aime la prélogie, attention, je l'aime la prélogie, elle a beaucoup de défauts. Et je trouve, je les ai revus, je trouve qu'on est un peu sévère avec ce. Bon, mais de là à dire qu'Abraham ne prend pas de risque. Je trouve la prélogie bonne, mais elle ne prend pas de risque. Enfin, je veux dire, c'est elle est un peu incohérente en matière de mythologie, c'est vrai. Il n'y a plus qu'à suivre. Et en plus, elle est incohérente complètement. Elle est incohérente, les midi-chloriens, c'est nul. Après, il y a des trucs qui m'ont plu, mais je veux dire. Quand on dit qu'Abraham ne prend pas de risque, pour moi, le simple fait de dire je vais réaliser un Star Wars, c'est un risque. C'est ça. Un risque. Parce que là, il est cible. C'est une cible pour toute sa vie. Tout le monde l'attendait au tournant, et en fait, je pense que certains ont clairement boudé leur plaisir, et que Abraham, si c'était pas Disney, je pense qu'ils auraient. Si c'était Miller, par exemple, qui faisait un Star Wars, et que ça aurait donné le même truc, ils auraient dit que c'était visionnaire. Quasiment sûr. Mais je suis quasiment sûr. Oui, ils ont tout compris parce que Miller avec Kylo Ren, il explore le doute, etc. Alors que c'est la même chose. Je vais faire passer pour un mec qui tape sur Mad Max aussi. Je fais l'avocat du diable en disant que je n'aime pas quand on tape sur un film. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, le personnage de Tom Hardy dans Mad Max, faut qu'on dise en quoi il est bien le personnage. Ok, Furiosa, elle est géniale, mais Tom Hardy dans Mad Max, il est quand même, moi je le trouve nul. il y a quand même des bons personnages. Enfin voilà, il faut être un peu honnête aussi. Tu vois. Juste aussi, enfin, faut voir aussi les arguments contre Adam Driver. Ouais, ça c'est du bashing. Dégueulasse, sur son physique. Ouais. Enfin, faut arrêter quoi. Ok, t'es qu'il est pas. Mais encore, moi je trouve qu'il y a du charme. Après, c'est. Le truc, c'est que. Ils veulent présenter un personnage jeune. Par rapport à quelqu'un d'expérimenté comme Dark Maul ou comme Dark Vador qui était ou Grievous par exemple qui était des vrai, tous les méchants ont commencé ont bien commencé expérimenté parce que Dark Vador dans le 4 on peut pas dire que on savait rien de lui hein, c'était il était fonctionnel c'était le grand méchant noir basta hein. C'est dans le 5 mais ce que je veux dire c'est que prendre le physique comme argument je trouve ça vraiment dégueulasse de toute façon ça n'a aucun intérêt et enfin voilà la juste pour finir sur Star Wars parce que de toute façon je pourrais en parler pendant des heures et en même temps je sais pas trop quoi dire c'est ça le pire mais la réalisation est exceptionnelle les acteurs aussi moi j'ai pris un pied énorme dans ce film je crois que je prendrai encore un projet de podcast, mais il faudra, je pense, un jour faire un podcast sur nos expériences les plus particulières salle, en fait. Ouais. Ça peut être intéressant, ça. Ouais, voilà. Donc encore un projet que qui traînera dans les. Mais non, on va essayer de faire ça. 2016, c'est l'année des bonnes résolutions. C'est ça. Donc voilà, Star Wars 7, c'est mon top, c'est mon numéro 1. Et on a fini pour les tops. Enfin, ça fait un peu. Ça fait déjà beaucoup. C'est vrai finalement. On disait qu'on allait faire court. Morgane, finalement, ça fait combien pour les tops? Moi, je sentais que on allait faire quand même plutôt long. Ça fait à peu près une heure et demie. De toute façon, pour les flops, ça va pas. On va pas. Voilà. Pour les flops, ça ira plus vite. Si le podcast il fait 2h30, c'est pas grave. Voilà. Santé. Et on va passer au flop 10. Voilà, donc les flops arrivent dans quelques jours, je vous le promets. Donc d'ici là, allez sur Wizner.net pour lire les critiques et pour voir tous nos podcasts, pour écouter tous nos podcasts, pour voir nos émissions vidéo aussi. On vous prépare plein de surprises pour cette année, donc je suis impatient de tout vous montrer, mais je vais pas tout révéler encore. C'est encore beaucoup de choses à l'état de projet, mais il y a beaucoup de choses qui vont venir pour cette année, donc restez connectés. Et on se retrouve dans quelques jours pour la partie 2 de notre bilan 2015. Salut.